Reprendre, mais bon, bah désolé, j'ai une coupure internet en plein dedans. Il faut que vous me rappeliez tous les gens, puisque bah, ça a sauté chez moi. Je suis désolé, franchement, pas cool. En plus, en plein dans ma. Ouais, bah ce sont des choses qui arrivent malheureusement, mais c'est pas grave, on fait avec. Oui, rappelle-moi s'il te plaît. Voilà. Je suis passé moi Ah, sur il faut refaire la un recall. connexion filaire. Ouais, faut faire un recall, ouais. Ok. Ouais. Bah, décidément, ce soir, on n'est pas en veine. C'est. Voilà. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. On fait. Ah là On là! fait. Voilà. Hop. Voilà. Mais pour l'instant, tout va bien. Je récupère tout le monde. C'était dommage de n'avoir plus personne. Mais pour l'instant ça va. Regardez bien aussi sur. Vous êtes reconnecté sur Fantasy Ground? Ah oui, Ouais. bah ça m'a pas déconnecté. Ça n'a pas Ok, d'écho. bah. Ouais, Ça ça, si, ça a déco, mais a... ça reconnecte, je te dirais. Ça vous a reco. Bon bah écoutez, ça va. Tout va bien. Je vous ai récupéré. Ouf. Voilà. Donc par contre, c'est moi qu'il faut que je récupère. Paye tes factures! Parce que ma caméra a disparu. On voit plus la tête à nos jeux. Alors Moi, je vois. pourquoi on ne voit plus ma tête dans OBS? C'est de moins en moins rageant parce qu'on a l'habitude maintenant. On l'appelle l'habitrude même. Ah. Alors je vais faire un ça. Enable. On va voir si ça revient. Ça revient! Voilà. Ouf. Ah. À force, on arrive à tu vas faire ce qu'on veut. Donc, je reprends. Il faudra que je recolle une image dans machin là. Hop. Donc vous étiez donc en train d'enquêter sur la disparition de la diva Cavolaro et vous étiez donc tombé sur un entrepôt où avait eu la mort d'un syndicaliste de chez Alfa Romeo. Vous avez trouvé donc un hôtel avec les corps. Enfin, un pochoir en gros de corps, a priori d'hommes, dans le sang. Et dans ces traces de sang, vous aviez trouvé aussi des petites traces, a priori d'un caméléon. Ce caméléon que vous aviez rencontré un peu plus tôt, eh bien, dans la cathédrale des Duomo. Est-ce que c'est une coïncidence? Vous savez pas trop. Vous avez donc décidé, juste après ça, d'aller vous restaurer dans un petit restaurant bien sympathique conseillé par Emilio. Vous en avez profité pour chercher eh bien, l'adresse d'un certain Flavio Conti qui n'est autre que le propriétaire de l'entrepôt où vous avez trouvé eh bien, l'hôtel assez bizarre d'ailleurs qui correspondait pas trop au style de l'établissement. Désolé si je tourne un petit peu le regard parce que j'essaie de refermer tout bien comme il faut. Vous êtes donc parti après avoir vous être restauré à l'appartement de Flavio Conti. Sur place, vous vous trouvez donc devant une belle bâtisse, très proche de la Scala, et vous décidez de faire un petit stratagème très rapide pour vous justifier de rencontrer Flavio Conti. Et c'est là que Catherine entre en jeu. Étant styliste de mode réputée dans toute l'Europe, peut-être même aux États-Unis, hein, eh bien, vous décidez de vous faire passer, toi Emilio pour son interprète, toi Peter pour son assistant, et bien sûr Nelson pour son agent. Vous rencontrez donc son majordome qui, dans un premier temps, ne connaît absolument pas Catherine, mais qui, une fois être allé voir son maître ou son chef, je ne saurais pas trop comment le dire, Eh bien, vous fait rentrer et vous allez donc pouvoir rencontrer ce Flavio Conti. Sur le trajet, en vous rendant au bureau de Flavio Conti, vous réussissez, et notamment Catherine et toi, Peter, à voir une porte ouverte où se trouve, enfin, vous voyez, la fameuse Alfa Romeo RL Crème. Ah mais ouais, c'est ça qu'on avait entreaperçu en passant devant le couloir. Exactement. C'est pas le premier à le voir, c'est le deuxième. C'est ça. Donc, Deux! on va commencer par les jets de chance. Ah! Puisque Enfin! Catherine me dit qu'elle sera là dans 5 minutes. Donc, voilà, le temps de faire vos jets de chance, avec un peu de chance, elle sera là. Faire au-dessus, c'est ça? Ouais. C'est... oui. Eh ben, j'ai réussi la foirage! Emilio, que de chance. Tu avais raté, donc réussi, ça. Ouais, j'ai raté, donc Donc. j'ai réussi. Et oui, Toulouse, c'est le monde à c'était l'envers, c'est comme rien. ça. C'est ça, c'est ça. Hop. J'arrive donc à 57 points de chance. C'est totalement incroyable. Pas du tout. C'est bon, les phrases qui veulent rien dire, qui n'ont ni queue ni tête. Réussi pour Ah, reste rater. toujours à la bourre. Ah. Ah, comment j'aime pas comment il a parlé sur toi! Oh, t'as vu Jamais ce en qu'il t'a retard, dit? ouais, toujours Oh. Moi, j'ai raté mon jet. J'ai réussi mon jet, MJ. Je suis dégoûté. T'as réussi donc Bah, t'as du coup, raté. la seule personne qui a réussi à gagner des points est Emilio. Emilio, Ah, il a ça tout faisait compris, hein. longtemps. Ça faisait longtemps Emilio, que j'en avais pas tu es en gagné. veine. Mais il a corrompu le système, je crois. Comme toute l'Italie. Comme toute l'Italie. Pas mal, pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend encore 5 minutes? Écoute, on sait très bien qu'on va mourir. Non? Oui, on va attendre qu'elle arrive. De toute façon, Est-ce c'est elle qui tient le encore rôle faim? principal pour Je, Mascara. on on va va, bien pizza. on va de, Le on va majordome, il peut pas faire demander, venir. on va demander aux viewers si ça leur dérange pas qu'on attende 5 minutes encore pour que notre chère Catherine, notre bien-aimée Catherine, commence l'aventure en même temps que tout le monde. Si vous êtes OK, alors on attendra, sinon, eh bien... Sinon, on continue. Ok, donc déjà nous avons un. Alors, soit malade, c'est non, on n'attend pas, ou non, c'est bon, il n'y a pas de souci, on peut attendre. Parce que là. Non, je veux pas l'attendre! Moi, j'ai autre chose à faire! Attends, j'ai pas le chat là On peut sur YouTube. attendre. Moi, en fait, je suis obligé de jongler. Alors là, ce soir, je suis vraiment, vraiment pas en veine, parce que avec Restream. Je ne peux pas écrire, enfin je ne peux pas lire YouTube, mais je ne peux pas répondre YouTube. Donc je pense que je vais me mettre je vais Sur la me chose, mettre machin là. sur, ouais, je vais me mettre Sur le sur truc Twitch, là. je vais me mettre sur Twitch pour répondre, c'est un peu vite. Parce que ouais, alors On est gay. ce soir en stream ne m'aime pas, voilà, c'est comme ça. Mais moi non plus, je t'aime pas. En tout cas, merci les gens d'être là. On espère que cette session vous plaira. Normalement, il devrait se passer des choses. Si les joueurs font les choses bien, il devrait se passer des choses ce soir. Eh bien, merci pour le resub. Alors, j'ai un souci de... C'est Oui, lui, c'est toi, c'est lui, Gassar. Merci pour le resub, Gassar. Non, j'ai un souci Yo. de. Alors, hop. Voilà, j'espère que ça leur plaira. Ça m'embêterait que les joueurs n'aiment pas. Je serais un petit peu déçu. On espère aussi, toi, en tant que joueur, on aime tu espères déjà. que ça nous plaira, mais ouais, que ça nous plaît déjà. A priori, j'ai réussi à les tenir un an et demi. Donc, d'ailleurs, je sais pas. On a signé, et après, voilà, tu nous as enchaîné. Ouais. Bon, après, je les rémunère un petit peu. Je dois leur donner de l'argent pour qu'ils restent avec moi. Sorti le chèque en blanc, j'ai mis le monde à l'envers. Voilà, j'ai dû. Ah, je vois qu'une cinquième personne est là. Alors, peut-être que notre très chère Catherine est sur le point de se connecter. Non, c'est mon deuxième compte, désolé. Ah mince! La déception est grande. Je vois dans le monde, tout ça, tout ça. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Tibbs. Je vois dans le monde, tout ça, que ça plaise à tous. Mais je serais ravi que ça plaise à tout le monde. Voilà, je vois avec tout. Exactement. Je sais pas, pour moi, c'était pas le truc qui allait le mieux de pair, tu vois, jouer avec tout. Ouais, ça dépend pour qui. Si tu es adorateur, si tu es un adorateur de Cthulhu, tu es dans la joie. Si tu es un sectateur. Ah. Salut Kemao. Comment ça, ils sont payés? Bah oui. Petit peu, mais pas extraordinaire. Ouais, voilà, c'est pas énorme. Enfin, je sais pas. Juste le chiffre, hein, c'est bon. Ah ouais, faut passer sur Chrome. Faut de passer quoi, sur Chrome qu'on a. Ah, parce que elle a le même truc que toi que tout à l'heure sur, sur Firefox. Ouais, ça fonctionne. Non, mais pas sur... nous on est sur les GAFA, c'est pour ça, on a un petit partenariat. Grid Femme, c'est pas moi, c'est pas. Voilà. D'ailleurs, on remercie encore Amazon. Merci à toi, Tupac Loops, pour. Pour le follow, merci à toi. Bon, alors là, faut assurer, les gars. Faut assurer. Ce soir, il faut assurer. Je veux du jeu de haute voltige. Hein. Je saute, je fais des roulades. Il y a déjà Peter, là, acteur cascadeur de son état. Voilà, attends, on a un Américain avec nous. Des films spécialisés, évidemment. Voilà, on a un Américain avec nous. Normalement, tu nous fais du Michael Bay, toi. Ouais, il prête son membre. Je l'ai déjà fait, je te rappelle, avec le train. C'est vrai. C'est vrai que tu l'as fait avec le train. Il a fait tout un train démoniaque. Pour les gens qui essaieront de... Et de nuit. De nuit. Pour les gens qui essaieront de... Eh bien, de regarder les sessions... Enfin, précédente, vous verrez que la scène du train est magnifique. C'est du Michael Bay dans le texte. Voilà, c'est épisode 6, entre 6 et 8, un truc, je dis une connerie, mais un épisode assez avancé, mais 6, 8, un truc comme ça, je crois qu'on commence en fait, l'épisode du train. Je le sais même plus moi-même. Je sais plus. Non, c'est pas si avancé que ça. Non, ouais, moi je pense que... Ouais, je pense que c'était l'épisode 5, un truc dans le genre. Hein. Non, c'est... Je sais ouais, pas. Peut-être. Si, il a peut-être raison, parce que l'épisode... Attention, 3, Catherine est là. Attention. Yes. Allô. Bravo. Est-ce que tu nous entends, bienvenue Catherine à toi. Bienvenue à oui, toi, Catherine. Ça y est, nous avons... Si la séance est bonne ce soir, il lance le spin-off sur Peter. Ouais, je suis d'accord. Alors, Catherine, je t'invite à lancer un jet de chance pour savoir si tu auras droit à de la chance. Bon, pour l'instant, on est encore en chargé normalement. D'accord. Ouais, le spin-off Peter. On est encore en train de charger. Peter, tu risques. Nanananana, Peter, tu risques. Alors, du coup, Kemao nous dit génial, l'Orient Express Cinematic Universe. Exactement. Non, mais moi, j'ai pas envie de voir encore Peter. Je peux pas passer, je sais pas, sur d'autres personnages. Genre, mais écoute, ça... il est intéressant pour toi, apparemment. Donc, bon. Ça ne tient qu'à toi, Emilio. Tu sais, Emilio, il va faire tous les trucs insensés. Genre, attends, je saute par-dessus les Duomo. Je me jette du toit de la cathédrale. Je vais faire un joli personnage, c'est parti. Sans parachute avec un fil de coton. Ah, mais les personnages prévus pour si jamais Emilio meurt sont... sont magnifiques, sont magistrales. Hein, donc, ouais, c'est tellement ça. Nous avons le père Fura. C'est deux extrêmes en plus. C'est vrai en plus, c'est vraiment deux extrêmes. C'est ça. Voilà. On a Emilio Duranti, un mafieux aussi en exercice, et un de ses personnages n'est autre qu'un agent de police de la de la répression des fraudes américaines. Ça, voilà. Un membre du MIT. C'est rare de noter que dans un Cthulhu, d'habitude, j'ai toujours l'enquêteur un peu bourré ou l'inspecteur détective privé un peu noir. Et là, on est vraiment des gars normaux, en fait. Hein. Normaux, pardon. Enfin, moi, j'ai pas d'armes. Alors que je suis américain. Oui, ça, c'est n'importe c'est quoi. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Si je pense que tu dois en avoir une. Moi, ça va pas du tout, ça. C'est tu vas prendre ta douche avec ton arme, normalement, quand t'es américain. C'est ce que j'ai lu dans la Constitution. Écoute, je tire pas sur les tornades, moi. T'as compris qu'elle pouvait renvoyer les balles. Ah, c'est un démocrate, voilà. Ah, je suis un démocrate. C'est démocrate, quoi, ça, c'est un courant de pensée philosophique. Comment tu t'en sors, Grenadine? Ça n'avance pas d'un poil. Hein. Ouais, mais on dirait que... C'est quoi qui va pas? C'est Fantasy Ground? Mais après, tu peux lui jeter son jet de chance à sa place. Ouais, je pense que je vais jeter le jet de chance à sa place. Oh, on peut avancer. Jette-le à la mer. Alors, t'as combien en chance, tu te rappelles? Non. Bon, attends, je vais ouvrir ta fiche carrément. Toujours jouer et on verra dès qu'elle arrive, quoi. Ouais, non, mais au pire, tu sais, je vais ouvrir sa fiche et je vais le faire songer à sa place et un peu vite. Hop, j'ai de chance. C'est où ça, la chance? Je me rappelle même plus. Ah, si, c'est là. Vous faites comment pour tirer j'ai de chance? Je me rappelle plus. Tu prends double le clic, double clic la case. Moi, je suis un glissé-déposé. Bah, elle réussit, donc elle rate. Ah, désolé. Je suis vraiment désolé. Un point. Donc, en attendant, on y va. Vous êtes donc rentré dans les appartements de Flavio Conti. Vous avez le majordome qui vous précède, qui vous demande de le suivre. Et comme je le disais à tes camarades, Catherine, vous êtes passé à un moment donné dans un couloir qui, au détour d'un regard, tu as remarqué qu'une des portes dans le fond était ouverte et tu as vu que cette porte était un peu ouverte et que tu avais vu sur une AFA Romeo RL crème. Mais tu as noté quelque chose aussi sur cette voiture que vous avez vue tous les deux avec Peter. J'espère que tu t'en rappelles. Oui, je m'en souviens. Ok, donc c'est parfait. Du coup, vous le suivez. Vous montez à un étage, et il vous emmène dans son bureau. Vous notez que, bizarrement, toutes les fenêtres de l'appartement sont ouvertes, grandes ouvertes, au désarroi des divers employés que vous croisez, puisque il y a le vent qui passe, ça fait des appels d'air dans tous les sens, et tout vole dans les draps, les feuilles, les machins, et vous dites que mais pourquoi ils ne ferment pas les fenêtres tout simplement, mais a priori ils ne le font pas. Monsieur MJ, il y en a qui se plaignent qu'on n'entende pas Catherine. Je sais pas, de ton côté, ton micro est ouvert. On ne m'entend pas. Je l'entends, mais après, je pense qu'il y a un léger décalage, je pense. Moi, je t'entends parce qu'on est sur Discord, mais après, eux, sur Twitch. Bah. Twitch. Mais non, mais normalement, si vous, on vous entend. Je pense que le décalage vient du fait que. Mais je sais pas. Vous l'entendez Tu l'entends toujours pas, Tibbs? Parce qu'en fait, moi je l'entends, Ah oui, en décalé, ouais, bah je sais. En fait, entre son image, entre sa caméra Oui. et le son, il y a un décalage. Ouais. Tu C'est la lumière, hein, ça met trop de temps, fais des apparemment. grands arrêts de charger. Ça s'appelle le ping à 56K. Il y a une petite voix de robot pour Catherine. Ouais, bah c'est en fait comme elle est en train de charger Fantasy Ground pour le jeu, eh bien ça prend de la bande passante et une fois que ce sera chargé, vous serez plus embêté. Oui, ça devrait aller mieux, oui. Il y a un gros décalage sur YouTube. Ok. Bon, ça devrait aller, vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, donc on t'entend mais en décalé, mais on t'entend quand même, c'est ça le plus important. Mais en décalé. Non, ça suffit. Vous arrivez donc devant la porte du bureau de Flavio Conti. Le majordome ouvre la porte. Et vous voyez du coup cet homme avec un. Comment dire il est assis à son bureau. Et il vous attend. Est-ce que vous rentrez dans la pièce ou vous préférez rester sur le pas de la porte? Je vous attendais, monsieur Bond. Bah écoutez, Catherine a vous l'honneur. Je rentre et je présente Catherine et le technicien, puis le traducteur. Bah, je vais me présenter moi-même, enfin, quand je vais me présenter. En tout cas, vous voyez un homme d'une assez maigre, une bonne cinquantaine d'années. Vous voyez que c'est il est assez aminci. Vous prouvez que c'est pas il est pas maigre naturel, enfin dire de sa composition. Il C'est vraiment ressemble qu'il est il est, ma, il est malade. Vous voyez que c'est quelqu'un de malade, mais que vous voyez quand même que il a les joues un peu rouges, signe de peut-être un regain de vitalité. Quand même. Vous voyez qu'il est assis, qu'il vous regarde avec un air assez suspect. Enfin, Il ressemble au mec de l'église ou pas? pas du tout. D'accord, c'est pas le mec qui a le caméléon, quoi. Non. Non, le mec à le caméléon, il semblait plus un clochard qu'autre chose. Non, il n'était pas forcément clochard. Hein. C'était que il faisait très, Mais il faisait tâche. très marqué, mais il était. Enfin, au niveau vestimentaire, ça n'avait pas forcément été quelqu'un de crade ou de mal habillé. Ah. Il était plutôt élégant, mais c'est plus la posture donc, que enfin, dans laquelle tu l'as vu qui était à quatre pattes en train de se marrer. Une attitude Oui. complètement débile, quoi. Enfin, pour vous, ça vous a surpris. Mais non, c'était pas un clochard du tout. Donc du coup voilà, vous arrivez devant Flavio Conti et qui vous fait un geste de la main pour venir vous installer et vous demande eh bien, que puis-je faire pour vous? Alors, juste entre nous, le plan de départ, on était d'accord, c'était possiblement d'acheter la voiture ou c'était un truc comme ça? C'était de l'utiliser. Ok. Est-ce que je laisse Catherine demander ou je le fais? Enfin, je vais le faire, hein, du coup. Bonjour, Ok. monsieur Conti. Nous sommes désolés de vous importuner ainsi dans votre villa, mais. On aurait certainement le besoin d'un homme de votre acabit pour, disons, une sorte de marché. Nous cherchons une Alfa Romeo modèle R pour notre future marque de mode, une marque qui sera italienne. Et nous avons besoin de la voiture la plus luxueuse que vous avez en ce moment et d'après beaucoup d'Italiens et certains sondages, vous êtes la marque la plus luxueuse et la Alfa Romeo modèle R est celle qui ressort le plus, comme étant un modèle ultra luxe. Si, évidemment. Je crois que vous faites un bon choix pour la voiture. Malheureusement, je ne peux pas vous prêter où vous louez ma voiture, puisqu'elle est actuellement en panne. Ah. Mais je n'ai pas eu le plaisir de discuter avec Madame Catherine Lamberston, et c'est un honneur de faire sa connaissance. Tout l'honneur est pour moi. Ça fait combien de temps que vous êtes à Milan? Seulement quelques jours, nous sommes de passage. Si. D'accord. Vous allez me faire un jet de trouver objet caché, s'il vous plaît. Le premier Ah, le jet très véritable de la soirée. J'ai le flair. Bien joué. Oh, Nelson, tu Alors as. là, moi j'ai les rayons X. Je vois la couleur des culottes des gens. T'as réussi à te connecter sur FG ou pas? Ouais, il est dessus. Ouais, je suis dessus. Ah, ok, c'est parfait. Que du 4 de succès. Chrome n'est pas du tout Que du évident. succès. Eh, donc tu vois, succès. On a tout trigger. Bon, alors pour commencer, Emilio, disons que tu es assez intrigué par les lieux. C'est, on va dire, un endroit qui te plaît particulièrement. Tes yeux vagabondent sur toutes les belles choses que tu peux voir dans le bureau de ce Flavio Conti. Des objets qui brillent, des objets qui pourraient être intéressants, mais dans ta poche. Et du coup, Un voleur. Tu ne fais pas forcément attention à ce que tu as, enfin, à l'information essentielle. D'un Et autre tu trouves, côté, tu peux aussi la traduire. aussi. D'un autre côté, nous avons Nelson qui, lui, par contre, a l'œil vif, l'œil pointu, qui a noté le détail qui pour lui est assez important. Eh bien, ça vient tout simplement de Flavio Conti lui-même. Étant donné que tu es un ancien militaire, tu as eu l'occasion d'avoir affaire à des personnes ont été blessées gravement, qui ont eu des cicatrices assez imposantes, assez importantes. Et tu remarques, du coup, sur la poitrine de Flavio Conti, en fait, il a une chemise qui est légèrement déboutonnée. Déboutonné. D'ailleurs, ce qui vous choque un peu, parce que vous avez quand même noté, enfin, vous avez vu un peu plus tôt dans la journée, qu'il était atteint alors, je crois que c'est la tuberculose. Non, de là, attends. Pneumonie. Oui, c'est ça. Non, de la tuberculose. Et Tuberculose. du coup, bah, Tuberculose. généralement, c'est un tuberculeux. Généralement, on n'ouvre pas les fenêtres, On est on se alité. calfeutre, on se couvre. Il faut se protéger un maximum. Et là, vous avez une personne qui a les fenêtres grandes ouvertes chez lui, qui a sa chemise, les premiers boutons qui sont bien ouverts, laissant en évidence son Il cou. a chaud en Et fait, le il a haut de chaud. sa poitrine. Et tu remarques du coup qu'il a des cicatrices Des sur tubercules. le haut de la poitrine, des cicatrices très récentes. Mais vraiment très récentes. Mais de belles cicatrices, hein, genre du lourd. Quelque chose qui. C'est un X à la One Piece. Ça peut. C'est des scarifications en fait. Non, c'est comme s'il avait été recousu. Oui, mais Limite, des cicatrices volontaires ou c'était vraiment un combat, quoi? C'est ce que je veux dire. Est-ce que ça pense à être un truc cérémoniel ou c'est juste des cicatrices sympas? Alors, on va dire que Nelson, parce que comme tu as fait le jet de la mort, tu comprends que selon toi, Selon tes souvenirs, pour toi, ce serait une intervention chirurgicale. Ce ne sont pas des blessures. Ça j'en avais déduit. Mais j'étais tenté de demander un jet de médecine, malgré que j'ai un en médecine. Non, mais là étant donné le jet que tu fais, le succès de malade, plus le fait que eh bien, tu as un passif de soldat, tu as connu la guerre et ce genre de blessures qui peuvent être. Voilà. J'étais pas au fond, hein. Oui, mais bon, quand même, ça suffit. C'est moi qui décide. Il eh bien, suffit. Voilà, tu te rends compte de ça en fait. Donc, cette discussion se poursuit, et donc Flavio vous dit que non, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser le véhicule car il est en panne et il va falloir trouver une autre personne. Peut-être je peux vous donner une liste. Et vous travaillez bien à l'usine de Alfa Romeo? Ah, je suis le propriétaire de l'usine Alfa Romeo. Il s'agit, monsieur, simplement d'un photoshoot où un véhicule apparaîtra ainsi que le logo de la marque dans un magazine très très bien vendu à New York, comme à Paris, comme à Londres, comme à Berlin. Ok. Alors, attention. Hop. Je vais juste une seconde discuter avec une personne d'entre vous. Oxide. Oh, alors, merde. Nelson. Oui. Plutôt, c'est mieux. Il n'y a pas que ça que tu remarques chez Flavio. Il y a aussi sa posture. C'est pas... En fait, tu remarques que la façon dont il est assis sur sa chaise n'est pas naturelle. Et que tu remarques que on va dire que la plupart du temps, quand les gens sont assis à leur bureau, donc c'est un siège avec des, vous savez, des sièges où tu ne peux pas poser les bras sur les côtés parce qu'il n'y a pas d'accoudoir. Généralement, les gens ont tendance à mettre les mains en évidence, posées sur la table, ouais. Sur la table du bureau. Et là, tu remarques qu'il n'a qu'une seule main posée sur la table et que sa deuxième main est en dessous. Mais est-ce que je vois un morceau du bras ou c'est juste que je remarque que la main et n'est pas là? En fait, tu vois en fait le bras qui passe en dessous, enfin qui part en dessous et la main qui reste constamment en dessous le bureau. Comme si il cachait quelque chose, tu sais pas quoi, mais c'est pas de bon augure. Voilà. Je récupère tout le monde. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Ok. Donc, ça, vous continuez à discuter. Désolé, je me rappelle plus trop ce que s'est dit à la fin. Mais si tu peux me le rappeler, la dernière personne qui s'est exprimée. C'est moi qui disais que c'était pour. Peut-être le convaincre. C'était pour un photoshoot, pour un magazine. qui est distribué dans le monde, hein, qui fait un tabac à New York, Londres, Paris et Berlin, j'avais dit. Mm-hmm. N'a même pas besoin de rouler en fait. Hein. Il faut juste la mettre devant une belle maison avec un joli jardin et on prend des photos avec comme ça. C'est, d'accord, mais je ne peux pas la déplacer. Comment? Avec un. On l'a fait pousser, c'est pas un souci. On la pousse, il le fera. Écoutez, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir. C'est voilà, je vais essayer de vous trouver une autre personne. Je sais qui a une RL crème, ce n'est pas un problème. Je chuchote à la personne la plus proche de moi que si on en a fini avec lui. Qui d'autre avait vu avec moi le fameux élément supplémentaire? C'est Peter. Ok. Là, parce que du coup, je regardais Peter pour voir ce qu'il en pense, que je pense que du coup, il faut peut-être insister avec lui. Je viens de voir Nelson me faire des gestes aussi à côté. Écoute, c'est sa tante. Je prends le devant, je le remercie, je lui dirai que c'est bien dommage, mais que c'est sa décision. Et mais permettez-moi, où sont vos... je voulais dire quoi? Ah oui, s'il avait une femme. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez une femme, monsieur? Non, elle est morte. Ah, mais condoléances, excusez-moi, je... Ah, c'est ma chère Catherine, je vois que votre maquillage déborde, je vais vous accompagner aux toilettes. Demandez au majordome de nous accompagner aussi. Eh ben, je demande au majordome de m'accompagner, voyons. Ça va bien entendre. Pendant ce temps, avec Peter, j'ai demandé quand même, est-il possible de voir à quoi ressemble le modèle RL de près, en fait? L'assistant de Catherine Barston aimerait bien savoir comment diriger le photoshoot, et peut-être que juste la voir, même si on ne peut pas l'utiliser pour le photoshoot, pourrait permettre en fait d'avoir des informations qui pourraient être sympathiques pour savoir comment y procéder pour l'avenir. Alors, juste savoir, est-ce que vous êtes déjà parti, Catherine et Nelson? On est en train de se lever, en train de partir, oui. Donc, du coup, si jamais il intervient, on peut entendre, mais sinon. Pour dire des mots en douce, parce que j'ai pas eu l'occasion de glisser mes petites paroles. D'accord. Du coup, j'ai juste. Vous sortez, vous voyez que pendant que vous sortez, il est encore en train de réfléchir à sa réponse. Comme ça, je vais garder les deux autres avec moi. C'est Oxy. Voilà, hop. Ouais. Alors, vous allez tous les deux me faire un jet, s'il vous plaît, de psychologie. Ah, le fameux jet. Le fameux jet de psychologie. Est-ce que je vais augmenter? Je suis à 25, putain. 41, merde. Est-ce que j'utilise 16 points? Non, ça va pas être la peine. Je sais déjà à quoi il pense. Et toi, tu as réussi, c'est ça? Non. Non, on a non, non, vous n'avez pas réussi. Les deux échecs. Je sais déjà à quoi il pense. vous voyez que il fait non. Ça ne va pas être possible. Excusez-moi, je n'ai pas le temps pour ça. Et il faut encore la parce qu'elle est elle n'est pas propre. Vous voyez, elle est encore en réparation. Alors. Ce n'est pas possible. Non. Je suis désolé. Vous voyez qu'il s'agace un petit peu quand même. Il dit, oh, vous êtes un peu insistant. J'ai envie de lui dire, très bien. Vous avez raison. De toute façon, une voiture qui est en réparation n'est pas présentable. Et je suis d'accord sur ce point-là, mais... On aurait quand même bien voulu peut-être apercevoir de plus près si la peinture serait celle-là ou si vous avez d'autres formes de peinture. Mais on va pas vous ennuyer plus que ça, monsieur. D'accord. Donc juste, ok. Pendant que vous finissez de discuter, je récupère les autres et on va voir ce qu'ils font de leur côté. Que toutes les ouvertures. Mince. Bonjour. Et rebonsoir. Rebonsoir. On se redécouvre. Vous êtes donc parti de votre côté. Et vous arrivez donc aux toilettes. Chose rare qu'un homme et une femme aillent aux toilettes ensemble, surtout à cette époque. Ouais, il fait chaud. Donc je vous laisse à votre petite discussion. Ouais, alors j'ai remarqué que Visconti, avait toujours une main sous le bureau. Je sais plus c'est laquelle, c'est la gauche ou la droite, AMJ? C'est la droite. C'est la gauche, hein? C'est la droite? Droite. Il avait toujours la main droite sous le bureau. Et que, au vu de sa maladie, qu'il était plutôt à l'aise, que sa cicatrice était due à une... Sa cicatrice à la poitrine était due à une chirurgie médicale. Et qui est chelou. Qui est très très chelou. Ah oui, t'entends. Mais sur sa voiture, c'est pour ça que je pense qu'il faut insister. Il y a une trace... une trace de sang en forme de main, si mes souvenirs sont bons, de ce que j'ai vu il y a quelques minutes. C'est ouais, ouais. Au niveau de la portière, si je dis pas de bêtises, donc il y a peut-être quelque chose à fouiller là-dessous. Bah écoute, tu peux retourner au bureau. Moi, j'ai pas d'appareil photo. Ah, si seulement. Je dessine pas assez vite pour recopier de marque. Bon, on va retourner là. Pour cet outil là. Ouais. Déjà, okay. Je sais que Peter l'a vu aussi, donc il y a moyen qu'on se capte tout le groupe, qu'on se mette d'accord. Ok. Donc vous retournez dans le bureau. Ouais. Pendant que vous finissez votre discussion, Peter et toi, Emilio, au bout d'un moment, vous voyez Catherine et Nelson qui reviennent du petit repoudrage, grand sourire. Des petits repoudrages dans les toilettes. Elle se rhabille. Et d'ailleurs, maintenant que vous êtes revenus, s'il vous plaît, Catherine et toi, Nelson, vous allez me faire un petit jet de psychologie, s'il vous plaît. Waouh! Psychopologie! De psychologologie! Eh, mais je m'en sors pas trop mal, il y a une chance que j'y arrive. Oui! Oh! Ah bah t'as réussi pour moi! Catherine, parce que moi, je Catherine elle est en fire! Ouais. Hein. C'est en in fire quoi! Non mais c'est ce monsieur là, il me trouble! Mais pas dans le bon sens du terme! Alors, c'est la gymnastique du moment, attention, c'est parti! Catherine, oui. Tu remarques que Flavio Conti a l'air extrêmement stressé de votre présence. Il est très très tendu. Et que tu remarques d'ailleurs au niveau de son faciès, il a des tics nerveux. Et sa main gauche qui est posée sur le bureau est un peu en mode... pas tremblote, mais il la manipule énormément, tu vois. Il tapote un peu sur le bureau, ou il se serre la main, enfin voilà, ça c'est, ou il serre son poing un peu, tu vois. Donc tu sens qu'il est dans cette frustration, dans un moment de stress assez important. Et effectivement, tu remarques également sa main droite qui est sous le bureau, ouais. Et qui ne bouge pas. Et qui bouge pas. Elle, pour le coup, elle est vraiment en mode... ça bouge pas, quoi. Mais, voilà, c'est... J'ai une question avant que tu ramènes l'autre. Comme ça, on va dire que c'est dans l'instant, tu sais, où je le remarque. Ouais. Son bureau, il est comment, en fait? Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, que je fasse tomber un objet pour le forcer à se reculer, à se lever, tu vois? N'importe quoi, même s'il a un petit café, tu vois, n'importe quoi, quelque chose qui forcerait le mouvement. Quitte à ce que je refasse un jet pour voir si je fais quelque chose. Bah, à la limite, ce que tu peux faire, parce que là en fait vous êtes avancé, on peut dire que toi tu t'es assise, je veux dire dans un des sièges qui est quasiment en face de son bureau, ouais. Et tu as noté que il y avait une espèce de porte-manteau. Qui était à la limite qui est peut-être accessible au niveau de ton pied, qui peut, si tu arrives à le pousser, tomber en gros, pas sur forcément lui. Sur le bureau, mais presque, sur le ouais. côté, et faire un choc. Peut-être le faire bouger, quoi. Ok, bah, je veux bien faire le jet, et comme ça, tu le feras en narration si, quand tout le monde sera là, si ça marche. D'accord. Il y a un jet à faire ou pas? Tu vas me faire un jet de. Qu'est-ce que tu pourrais me faire comme jet? Tiens, c'est vrai, c'est. C'est une bonne question. Ah, quelque chose où j'ai beaucoup de points, ça serait pas mal. comme par hasard, tu veux beaucoup de points. tant qu'à faire. Bah, en vrai, sans tricher, parce que là, du coup, c'est là où j'ai le moins de points, mais dextérité, peut-être, pour réussir à. Je sais pas si ça rentre, je connais pas vraiment la vraie définition des. De chacune des compétences. Après, sinon, on prend apparence. Hein. Je suis tellement belle, ça fait tomber le. Attends, j'essaie de regarder un petit peu parce que j'avoue que c'est. Et sinon, dans tes compétences. Ouais, fais-moi un jet de dextérité. Fais-moi un jet de dextérité. Parce que dans les skills, je trouve rien qui. Allez, dextérité, ouais, non, mais fais-moi un jet de dextérité. Non, chier. Ok. on y retourne. C'est parti. On y retourne. Hein. C'est le jeu. Il se faisait un petit plaisir sous le bureau. Tu voyez que vous remarquez que Catherine est un peu dans, enfin un regard un peu troublé. Et à un moment donné, en fait, vous voyez que Catherine essaye de, enfin de sa jambe, enfin parce que vous voyez, Flavio lui ne voit pas, mais parce qu'il y a le, non, le bureau. Attends. Je veux faire ma relance, on a le droit, c'est les règles. Attention, parce que ça peut être pire après. Ouais, ça peut être pire, on va se faire virer de là, je suis désolé, j'ai tout faire foirer. Ah, mais d'un côté, vas-y. 40%, c'est... Eh, 40% c'est pas si... Bah, 40% c'est 100%. Joue. Espèce de foireuse. Fais ta jouée. Oh 40%, mais c'est 100%. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Oh là là là là, bon, ok. Alors. Sur 10. Ce qui se passe, mes très chers amis, vous voyez du coup, et ça vous voyez toujours, que Catherine a l'air un peu troublée. Vous la connaissez un petit peu maintenant et vous savez, vous arrivez à reconnaître quand il y a un truc qui va pas. Et là, c'est le cas. Et assez rapidement, vous voyez que Catherine, sa jambe gauche, s'avance et vient percuter un porte-manteau qui se trouvait sur sa gauche. Le porte-manteau, en fait, commence à vaciller et, en fait, vient percuter, en fait, un vase. Et ce vase vacille à son tour et vient s'exploser sur le bureau au niveau de la main droite, enfin, du bras droit, de Flavio Conti. Flavio Conti qui, dans un moment, dans un réflexe de protection, vous voyez sa main, son bras qui se lève, sa main qui se dévoile, et vous voyez qu'il tient dans sa main un pistolet. Merde. Un calibre 38, un revolver. Seulement, le fait que le vase vienne s'exploser lui fait lâcher l'arme et il vient voilà et l'arme vient à tomber et elle tombe au pied de Catherine. Je dégaine. dans le réflexe je dégaine aussi. Alors moi je franchement faut fermer le bureau du coup et on va le séquestrer. Tout ça parce que elle a eu la bonne idée de faire une relance quand même magnifique. Bravo. Alors, là. Je tiens à dire, je sais pas ce que c'est, mais je pense que là, vu comment on est parti et vu comment il est, on a intérêt à le faire parler. On va le faire parler, je crois, à un moment donné. On est deux à avoir des flingues, à le braquer. Enfin, ouais, et puis si jamais il y a le majordome, bah, là aussi, hein, il y passe. Je ferme le bureau, du coup. Ok, vous fermez le bureau. Vous voyez que il se remet un peu difficilement de ce qui vient de lui arriver. En fait, il est encore sous le choc de la surprise d'avoir ce truc-là. Mais en même temps, petit à petit, il réalise que vous l'avez démasqué, que bah, le flingue, il en a plus. Et vous voyez que du coup, sa posture n'est plus la même et qu'il a une attitude assez agressive envers vous. En disant que, voilà... Vous ne saurez rien, je ne parlerai pas. Où est la diva? Réponds-nous. Je ne dirai rien. Je ne parlerai pas. Il dit qu'il dira rien. C'est aussi grave de culpabilité. Il y a du RP, ça. C'est du RP. Il dit rien. Qu'est-ce mais qu'il moi, a tu dit vois, Je braque avec l'arme et je lui dis, tu as parlé de toute façon. Non. On va pas le torturer. Rien. Vous avez qu'il a, arbore un sourire machiavélique, comme si il avait pas peur de vous. Vraiment dans le sens. On sait tout. On sait pour l'hôtel dans ton entrepôt. On sait pour les sacrifices humains que tu fais. On sait pour l'enlèvement de la divinité. On sait tout ça. On sait pour le caméléon. On sait pour le chèque en blanc que tu m'as pas payé. Vous voyez qu'il parle même pas, il vous regarde, il vous toise du regard avec un sourire figé. Et, voilà, il parle pas. On le sait pour le travailleur aussi. On sait tout. Vous ne savez rien. Et vous ne savez rien. Ça veut dire qu'il y a deux meurtriers, Emilio. Ouais, j'ai pas compris, Nelson. Emilio. Peter. Moi, je suis en fou. Je comprends rien. Ah, c'est les joies de Discord. C'est les joies du lab Discord. Ouais. C'est Discord là qui est en rouge total, donc en mode on doit attendre un petit peu que ça se calme. Mais de toute façon je meuble un peu en attendant que Discord revienne. Mais vous notez quand même que c'est non c'est bon Discord est revenu. Discord est revenu, tu peux quitter. Discord est revenu, tu peux couper Grid Femme. Non, il a full coupé Discord, non? Bon, bref. Ne t'inquiète pas, je vais en parler. Il est revenu, tout va bien. Du coup, là, on va lui dire parle. Dis-nous tout. L'hôtel, le caméléon, le simulacre de CDFKAR, là, c'est pas possible, il y a quelque chose. La cantatrice, la diva, ce qui se passe à Milan, parle. On sait que le repère du diable, c'est la Scala. Parle. Je ne dirai rien du tout. Bon, j'ai combien en torture, il faudra me tuer si tu veux avoir des réponses. Mais tu n'en auras pas. On va fouiller son bureau, hein. Ok. On va passer par ça. Déjà, je vais sortir l'ail de ma poche pour voir si c'est pas un vampire. Mais lui, la gousse d'ail dans la bouche, comme s'il avait... Et dans un second temps, je vais fouiller son bureau, du coup. Non, attends, je prends l'ouvre-enveloppe sur son bureau, je le plante dans sa main. Attends. On le retire, là. Arrête. Et là, vous entendez un... Et maintenant, il va parler. Non, c'est pas ça, c'est le majordome, il va venir. Vous ne saurez rien, je ne parlerai pas. Je fouille son bureau. Prends sa deuxième ouvre-enveloppe. Tu fouilles le bureau et tu trouves quelque chose d'assez surprenant. L'horaire de l'Orient Express sur lequel est marqué et noté l'heure d'arrivée à Milan, donc du train que... avait prise du coup la diva. Prendre, ouais. Et okay. Que cet horaire est entouré. Tu trouves aussi un journal qui contient une liste de contacts. Je donne ça à Emilio. Et du coup, Emilio, tu vois que dans ce journal, il y a des noms et des numéros. Et que le plus récent, qui revient peut-être plusieurs fois, est celui de Faccia. T'as mis un truc, Faccia ? Pas du tout. C'est pas une marque de pizza ? Comment ça s'écrit Faccia ? Faccia, F-A-2-C-I-A. Voilà. Waouh, merci beaucoup. J'allais le dire. Ok. No fake. Je lui ouvre la chemise. Ok. Je savais que les acteurs étaient comme ça, mais quand même, Peter. Tu ouvres sa chemise. Il est chaud. Hein. Et merci à toi, Tipo. 3000. Eh bien, tu ouvres sa chemise et là, vous découvrez tous, en fait, une ouverture, en gros, une cicatrice encore assez récente. Donc, son torse est ouvert, enfin, a été ouvert sur toute la poitrine, avec des coupures latérales. Et du coup, vous comprenez assez vite que c'est une opération qui vous fait penser à quelque chose. Et d'ailleurs, vous allez me faire un petit jet de santé mentale, s'il vous plaît. Péché. Tous. Oh, merde. Parce que j'ai pas mon frère. Je regarde pas, moi. Je suis comme ça. Oui. Rien à foutre. J'ai... J'ai pas mon fez, merde. Ah, voilà, j'ai pas mon fez. Avec Catherine, on fait... Oui, non, mais moi, ça me rappelle la collection de Milan de 1980... De... Alors, 1788. Catherine et toi, Emilio, vous... Ah, c'est mieux, là, j'aurais dû faire le jeu avec ça, quoi. Vous... Vous gérez bien le truc. Vous arrivez à passer le côté horrible de la vision que vous voyez en face de vous. Par contre, ben vous deux, Nelson et Peter, ça va moins bien, quoi. Hein. Et on va faire un petit jet pour savoir comment c'est vous quoi vous qu'on en voit aussi. J'ai pas capté. Vous avez vu en fait les cicatrices de. Sur le torse, en fait, il a dévoilé en fait l'entièreté des cicatrices alors, que tu avais déjà remarqué. C'est des cicatrices en forme de pentacle ou quoi? Non. En gros, c'est des cicatrices que tu sais que en fait on lui a, pardon pour le micro, on lui a ouvert la cage thoracique. Mais c'est pas fermé. C'est fermé, mais c'est très très frais, donc. Vous voyez c'est que c'est dégueulasse. C'est, je fais quoi, un D4 pour un D4 de perte? Ben là, vous voyez, vous perdez 2 points de santé mentale. Donc en gros, ça vous rebute, vous tournez la tête vous avez un petit Roland qui vient comme si enfin, vous avez retenu un petit vomi. Hein mais... Parce que j'entends raison dans ma bouche. Voilà, c'est plutôt désagréable, mais bon, voilà, c'est... Il y en a un qui va être en PLS à se faire pipi dessus encore, ça s'appelle... Clairement, vous allez me faire un petit jet d'idées, mais je pense que vous avez déjà à peu près compris avec tout ce que vous avez fait. Il y a du succès, là. Que du succès. Catherine, non, elle n'a pas d'idée. Oh, j'ai vu que le reste du groupe avait tous l'idée. Moi, j'ai fait t'inquiète. Moi, je. C'est bon, bah, ils ont réfléchi pour moi. Bon, moi, j'ai fait mon boulot. Mis à part Catherine, vous comprenez très vite. Donc, Nelson, Emilio et Peter. Moi, je pense qu'il a touché le torse de CDFK. Vous avez. L'idée, en fait, vous faites vite le lien entre ce qui s'est passé dans l'entrepôt et son opération chirurgicale. Oui. Et donc, voilà. Ça s'est passé chez lui hein, en même temps. Hein. Et vous voyez ça. Et en même temps, vous faites le lien sur le fait que il est tuberculeux. Que toutes les fenêtres sont ouvertes, que tout, qu'il a sa chemise grande ouverte, c'est pas normal. Il s'est fait soigner en tuant ses ouvriers. Il s'est fait greffer de nouveaux poumons. Bah, c'est possible. Hein. Chose qui n'existait pas à cette époque. On est bien d'accord. Ouais. Oui, voilà. Donc pour vous, c'est compliqué. Alors comme ça, on agit avec de la sorcellerie. On est bien d'accord qu'il a la main droite clouée sur le bureau. Oui, oui. Avec la douleur, des fois, il suffit de tourner un peu, et tu vois. Ça peut toujours faire raviver les souvenirs qui permettront de débiter les gens. J'appuie sur la plaie. Vous êtes insignifiant. Vous n'êtes rien. Les frères de la chair savent tout. Vous êtes... Il y avait les écorchés, il y avait les fesses, maintenant les frères de la chair. Les frères de la chair, c'est ceux qu'on avait rencontrés à Londres que tu as vus en premier. Il y avait aussi, il y a pas aussi une histoire d'aube aube dorée, un truc, je sais pas quoi. Alors, c'est le crépuscule d'argent et l'aube dorée. C'est deux groupuscules qui existent, mais pour l'instant, on n'en a vu aucun des deux. Mais par contre, les frères de la chair, on en a vu à Londres. Et nous, comment on s'appelle, les quatre glandus? Ah mais faut un nom hein, de ouf. Les frères de Smith. Smith Brother. and sister. Brother and sister, mother and father. Non, du coup, vous voyez qu'il a dit, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous. Votre mort est imminente. Très bien. Ils vont faire quoi de toi maintenant que t'es découvert ? Je parie que nul ne refuse l'écorcher, c'est ça ? Tu vois qu'il sourit. Et il ne parle pas. Où est la cantatrice ? Où est-elle ? Qu'avez-vous fait d'elle ? je ne parlais pas. Vous je triture l'ouvre enveloppe. S'il refuse, je triture. Et plus il refuse, plus je triture. Faites-moi un jet de. C'est de la torture. Je sais tout à fait que c'est de la torture. Hein ? Je sais pertinemment que c'est de la torture. Mais oui, mais tu sais que tu peux perdre la santé mentale pour des trucs comme ça. Mais j'en suis conscient, donc. Voilà. Ah, on va dire c'est kiff-kiff. J'ai de. Persuasion, attends, je regarde mes skills. Attends, j'essaie de voir. Je sais plus s'il y a perception là-dedans. Oui, bah, trouver objet caché. Ouais, bah ouais, ça. Faites-moi un jet de trouver objet caché. Il y a pisté, sinon. Pisté, c'est de la perception aussi, hein. Ouais, non, pisté, oui, c'est vraiment des traces. Ouais. Pisté, je dois avoir. J'ai 10. Pisté, tu vois. Ouais, j'avoue que. Pisté, c'est chaud. Nelson, pour l'instant, Catherine, oui. C'est un succès. Nelson, c'est un échec. Tout le monde a réussi sur Nelson. Ok. Vous remarquez assez vite qu'il est en train de se pencher sur sa gauche. Là où il y a le. Et le que sa main vient choper quelque chose. Je vois pas le mouvement, moi. Moi, j'ai essayé de marcher sur sa main. Il est sur son bureau. Donc après, si tu sautes sur le bureau, mais. Mec, il s'est penché légèrement. Il est en train de choper quelque chose. Je crois que la peine, on devient des singes. Son flingue est parti vers la gauche ou vers la droite ? Non, il est au sol devant le bureau, donc il n'y a pas accès clairement. Je pointe avec mon arme de toute façon et je fais Qu'est-ce que tu fais ? Et tu vois qu'il t'écoute pas. D'un coup, il sort un autre flingue qu'il avait caché et il vous braque et il va pour tirer dessus. Je sais pas, est-ce que j'ai le temps de réagir ? Parce que je n'ai toujours pas sorti mon arme exprès, mais moi j'ai toujours une petite arme cachée. Alors on va dire que je vous laisse à ceux qui ont vu en gros le truc, je vous laisse le temps Emilio, de faire une action quoi. Oui voilà, Emilio. Bah, je tire moi ! Le tue pas, vise. Vas-y, tire. Mais si tu le tues, fais-le voilà, par accident, pas de sang-froid, tu vois. Fais-le silencieusement. Fais le cacher. Regarde, je tire. Ouf. J'ai tiré. Elle demande une relance, hein. Ouais, je vais demander une relance. Attention, hein, tu vas tirer sur l'un d'entre nous. Le poker, c'est une relance. Non, ouais, moi je demande une relance. Vas-y, relance, hein. J'ai relancé. Bon. Attends, dire un petit à l'automatique, là. Ok. Ouais. Au moment où vous voyez l'arme arriver sur vous, Emilio et toi, Catherine, vous tirez. Oui. Catherine, quoi ? Je dépense mes 7 points de chance, je les ai gagnés depuis le temps, je fais redépendre. Je passe ma vie dans ce cas-là. Juste, je tiens à préciser que je suis au feu croisé, moi, parce que moi j'ai la main sur l'ouvre-enveloppe. Il n'y a pas de souci. Ouais. Et justement, je préfère réussir que dire que j'ai raté et je te tire dessus. Donc, c'est tout à fait légitime de me tirer dessus. Alors. Oui, tu fais bien, toi. Ce qui se passe, c'est simple. C'est qu'au moment où vous voyez son arme sortir et vous braquer, vous avez le temps. Du coup, vous avez senti qu'il y avait un danger imminent. Emilio et toi, Catherine, vous tirez. Peter, lui, fait un geste de protection. Il se retourne pour essayer de se protéger, même si c'est futile, il le fait quand même. Et toi, en fait, Nelson, tu as toujours la main sur le... J'ai une main armée aussi. Voilà. Mais en fait, ta proximité et le fait que tu sois un peu sur son côté ne donne pas le temps de faire quoi que ce soit. Catherine tire et le touche en plein dans l'épaule gauche. La fameuse épaule. Alors que toi, Emilio, tu lui tires Et tu le touches à l'épaule. en plein la poitrine. Mais non, mais le tue pas, t'as dit. Bah... Je pense qu'on a des informations qui nous avec le numéro de enfin, Chia, là, donc. Vous voyez que il se est propulsé dans le fond de son siège, qui commence à cracher du sang. Et vous voyez que son air fou qu'il avait juste avant commence à se transformer. Et que du coup, c'est de la peur qui envahit son regard et son attitude. Et vous voyez qu'il est. Je peux pas mourir. Un frère de la chair. Vie. À jamais. T'aurais dû mettre ton masque, tout serait moins. Mario Cotillard. Voilà. Cécile de France. Voilà. Et vous voyez qu'il sa tête part en avant et du sang qui vient partout. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on va Un coup de peut-être feu a partir, été tiré. non? Deux coups de feu ont été tirés. On va partir et il faut prendre sa voiture en partant. Sans blague, on va partir. Elle est en réparation, donc. C'est une très bonne idée. Déjà, ça prouve il a mytho. On l'a vu la voiture, ça prouve elle part. C'est le serait en réparation. Elle était en Ok, donc réparation, elle pas là. vous mettez Enfin, à courir dans le dans la dans la pièce, enfin dans les couloirs, c'est ça? dans la pièce, juste dans la pièce. Ou sinon, au pire, on repart très Moi, je calmement. On repart très calmement, au pire. J'embarque l'ouvre-enveloppe avec moi dans la... Est-ce que on peut fouiller quelques pièces avant Ouais, de de ouf. Moi déjà, je vois de ouf. Alors vous voyez, enfin vous entendez très vite des gens Je vais qui aller chanter commencent le moteur. à La police va arriver, hein, faut partir. Ouais, non, mais à bouger dans je. tous les sens. D'ailleurs le majordome, enfin vous voyez que le majordome commence à monter. Enfin vous entendez des bruits de pas dans l'escalier qui amène à l'étage. C'est maintenant ou alors vous Bon, allez faire un massacre. non, si. Faire On ne massacre? tire pas sur les gens. Non, non, On est trois armées, on fait un massacre. non. Ok. Prête mon ouvre-enveloppe, hein, Peter. Vous ouvrez la porte. Je vais aller Vous courir sur entendez des ce cris. moteur. Vous entendez des cris dans l'appartement, dans le grand appartement. Des femmes qui courent dans tous les sens. On a tiré, on a tiré. C'est Flavio. Flavio Conti. Le majordome qui commence à venir dans notre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'avez-vous fait? J'imagine que vous Moi. le poussez, vous le foutez, vous le Mais nous, poussez. mais rien, mais attendez, on est pressé. Donc, il y en Innocent. a. Emilio pousse le Oui. majordome qui tombe dans les escaliers. Oui, mais non. Mais Tom, non, il va mourir. Et avec un peu de Attends, chance, pas, il se brise monsieur la Jean. nuque. Il connaît Non, ton vous avez nom, de la le chance. majordome, je te rappelle. Et vous dévalez les marches pour tourner rapidement à l'endroit où il y avait le véhicule. Nelson est le premier à monter dans le véhicule et Est-ce que je peux en chemin m'assurer que le majordome est bien mort? Non, le majordome est pas mort. Il s'est assommé. Mais est-ce que Tu je vois qu'il peux est m'assurer qu'il soit inconscient. bien mort? Ah ben assure-toi si tu veux. Ben voilà, bom bom. Ok, Point point. donc vous voyez Nelson qui achève un homme à terre de deux balles dans la tête. Il connaît nos noms, hein, c'est tout. Ce qui met encore plus de folie dans l'appartement. Il y a des femmes qui crient ah Oh tueur, oh là là, les meurtriers, la police, policiers, Traduis-nous, Emilio. Chut. Chut. Et là, vous arrivez, Nelson, et au volant du véhicule, vous montez tous à l'intérieur. Et là, allez, Nelson, dans la piqueur mobile. Tu vas me faire un jet de... Fais-moi un jet de... Il n'y a pas un jet de conduite dans le truc? Si. Ah si, bah si tu fais-moi un jet de conduite, tiens. Bon, laisse-moi le volant. Voilà. Allez, laisse-moi le volant. Ah, il a... Alors, Peter, tu risques... Alors, tu fais une marche arrière. Tu commences à faire la marche arrière, sauf que dans la précipitation, tu te plantes et tu mets la marche avant. Tu accélères d'un coup et là, tu viens percuter le mur du fond du garage. La voiture est explosée. Elle est hors d'état. J'ai cassé le moteur. Oh, il a forcément une autre voiture. Non, on se casse. Hein. Il a forcément une autre voiture. Oui, il a une voiture. Non, c'était la seule qu'il y avait dans le garage. Bon, vu que c'est ton agence, Peter. on se casse. Qu'est-ce que vous faites dans allez dans ouais, moi, dans je, cours, secondes, moi je cours, des gens vont arriver. On se casse. À travers les jardins, à travers les bois, à travers la campagne. Je retourne en Angleterre. Ok, vous courez, vous allez où? On fuit. Vous suivez tous ou vous partez un petit peu dans tous les sens? On se suit tous, hein. Bah oui, quand même. Ok, alors un petit jet d'athlétisme. Alors, donc c'est esquive, je crois, c'est athlétisme. Mais je crois que c'est la soirée. Non, il n'y a pas athlétisme, mais on peut faire un test de force ou d'endurance. Ouais. Ou de. Mais je crois que c'est athlétisme, c'est esquive, il me semble. Dans le jeu. Esquive, c'est quand même esquive. il se base sur. Pour courir, c'est constitution. Ah, constitution, je sais pas si c'est forcément la consti, parce que la consti, ça peut être le fait de pouvoir résister à... Voilà, et je dépense 13 points de chance, si tu veux, c'est pareil. Esquive, je... En fait, il y a un jet de courir, en plus, c'est sur move. Il y a un jet de courir? Ouais, c'est move, MVT. C'est le truc pour courir, le MVT. Si je le lance... J'ai pas. Bah faites-moi move alors, ma foi. Y a pas de move. Si, pas MVT. De move. MVT. Dans main. Dans main, ouais, dans le premier onglet. J'ai jamais fait, donc... J'avais 7, j'ai envoyé, maintenant je suis passé à 6. Ouais, c'est-à-dire que t'as réduit ton allure. Normalement, c'est pour les courses-poursuites et tout ça, les règles. Et je vais pas te faire le cours comment se passe la course poursuite, mais à chaque fois que tu rates un jet, tu ralentis, quoi. C'est à dire que nous, ouais, on est un peu les boulets là. On commence, tu vois, on s'essouffle en fait. À un moment, on court et puis comme ça, on prend notre souffle. Ouais, non, mais ouais. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez, alors je sais pas qui a c'est fail. Emilio, toi, tu as ton expérience de la fuite. Hein, qui te suit depuis de nombreuses années à Londres. Ouh, le dicton, courage Lyon. Qui fait que et puis ta connaissance un petit peu de Milan, qui fait que tu arrives rapidement à t'éloigner de l'endroit. Et toi, Nelson, eh bien tu réussis à suivre un petit peu la cadence d'Emilio, mais un peu en retrait. Seulement, voilà. J'en profite pour me cacher derrière un arbre et attendre mes comparses. Seulement, voilà, Catherine et Peter, votre condition physique n'étant pas du premier ordre, vous traînez un petit peu la patte. Vous perdez de vue Nelson et Emilio et devez vite vous résoudre à un repli stratégique dans un autre endroit pour essayer de vous cacher quelque part. Je suis très content de ne pas être seul, en fait. Ouais. Donc, par exemple, la langue, ça, c'est bête. Je pense qu'on se tient un peu, enfin... passer par d'autres endroits, quoi. Attention. Emilio et Nelson, Vous avez réussi à semer, en limite, il n'y avait pas grand monde qui vous courait après, hein, mais quasi personne. Mais bon, vous avez réussi à partir. Vous dirigez vers où? Je t'avais dit que je me cachais derrière un arbre, j'attendais mes comparses un peu en arrière. D'accord, toi tu t'es caché. Et toi, Emilio? Bah moi, j'allais en. Enfin, moi je prenais des. Tu sais, je prenais des ruelles, d'autres ruelles. Je zigzaguais un peu, tu vois, dans les rues. Pour si jamais il y a quelqu'un qui me suivait, bah, perdre sa trace. Mon passif, je connais un peu le milieu. Et ensuite, retourner après de nombreux détours, en fait, à l'appartement. Ok, d'accord. Ensuite. Ouais. Catherine et toi, Peter, vous avez dû couper un petit peu plutôt que prévu pour essayer de vous faire tout petit. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes retrouvé dans des rues que vous ne connaissez quasiment pas, même si vous savez quand même que vous n'êtes pas trop loin de la piazza d'Il Duomo et notamment de la galerie là où vous êtes, vous voulez votre trait particulier. On va se rendre à l'hôtel, hein. Ouais. Mais on va avancer tranquillement. Je pense qu'à partir de là, les gens ne savent pas que c'est nous particulièrement. Donc on retourne dans la vie sociale en mode deux personnes qui marchent dans la rue, quoi. D'ailleurs, vous notez à un moment donné, au détour d'une rue, que vous apercevez Nelson, qui, a priori, vous a attendu et vous a repéré un peu plus loin et qui vient à votre rencontre. Je fais des appels de phare, non, je rigole. Bah, rentrant tous à l'hôtel, du coup. Ouais. Mmh. Okay. Je vous ai attendu pour vous couvrir en cas où, hein. Jamais vous y étiez. On va sagement rentrer et sagement partir discrètement. Alors, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas forcément y aller tout de suite. Vous allez vous faire un petit peu oublier pendant un temps et pas forcément vous rendre tout de suite à votre hôtel. Et ce n'est que sur les coups de 20h. 20h30, au gré de... Enfin, dans une... La nuit venant, un peu de la pénombre, que vous finissez, du coup, par rentrer. D'ailleurs, vous trouvez Emilio, qui est déjà présent, qui, lui, était en train de manger un petit bout, tranquillement. Et... Vous êtes là. Et donc là, je vous laisse un petit peu faire le briefing de ce qui vous est arrivé. Alors, et là, voilà. Je pense qu'on a plein de choses à se dire déjà. Franchement, le coup du vase, c'était vraiment bien joué, Catherine. Mais c'était risqué aussi. Et on a eu beaucoup de chance de s'en tirer sans se prendre une balle, quoi. Donc il faisait bien partie des frères de la chair, hein, et ça se voyait concrètement, il a dû faire une sorte de rite des plus magnifiques pour essayer de donner vie à la chair d'un autre dans soi. En tout cas, ça l'a guéri de la pneumonie dont il était accablé, quoi. Donc ouais, il a récupéré les poumons des autres, là. Mais je pense que c'est pas lui qui a fait la transplantation, entre guillemets, qui a... déplacer le poumon, c'est une tierce personne et ce serait cet homme avec le caméléon. Et cet homme avec le caméléon, je pense que c'est Fatia. Fatia, elle est encore en Algérie, elle n'a pas son passeport. Non, mais Fatia, je pense que c'est lui, l'homme au caméléon. Et on a son nom, mais on a son numéro. Et ça veut dire quoi, Fatia, en italien d'ailleurs? C'est un nom de famille. Hein. C'est la tête. C'est comme Durand, tu ne demandes pas ce que Durand veut dire. Bon, c'est comme Dupont, hein, pas du tout ce que ça veut dire. Je pense qu'il faudrait demander au service téléphonique s'ils peuvent nous donner l'adresse du numéro de Fatia. Et, par conséquent, savoir où il habite et lui rendre une petite visite. Ah, mais ils vont me dire qu'ils ont plein. Ils vont avoir plusieurs Fatia, en fait. Non, mais on a le numéro. Donc déjà, c'est... On a le numéro de Fatia ? Mais oui, on a le numéro de Fascia. On a la liste. C'est dans le journal. Dans le journal, il y a des contacts et nom et numéro. Ah. Et il n'y a que Fascia. Ah oui, c'est vrai. C'est ce qui est passé. Et du coup, d'ailleurs, c'est Fascia, mais vous voyez que c'est A.Fascia. Anonymous. Berto. Je vais appeler le service télé pour leur demander. Qui a la sadique idée de retourner fouiller la cave, voir s'il n'y a pas la diva? Non. Il ne l'aurait pas mis chez lui. La diva est sûrement dans une des caisses de l'entreprise. T'imagines si la police serait venue voir dans une caisse, T'imagines si la police aurait vu, aurait dû du coup chercher toute personne qui avait une Alfa Romeo, il venait certainement chez lui fouiller s'il n'y avait pas la diva. Donc il a dû la mettre ailleurs. Il a dû être précautionneux sur ce coup-là. Et je pense qu'il peut être Fascia. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne avec Emilio et je pense qu'on va avancer grâce à ces indications. Sinon, j'ai pas trop d'idées. Ok, donc tu appelles tout de suite ou pas, Emilio? Enfin, vous appelez tout de suite ou... Ouais. Bah oui, j'ai appris. Ok, donc tu fais le numéro et tu tombes du coup sur une préposée aux appels téléphoniques. Fais, si, c'est pour l'adresse de Arturo Fascia, si? Si, oui. Si, et donc... elle te dit, c'est via Gesu. G-E-S-U. Via Gesu. Via Gesu. Gesu. Voilà. Je sais pas comment ça se prononce. Gesu. Gesu. Gesu. Gesu. C'est en italien, donc je sais pas la prononciation de via Gesu. C'est Gesu. Gesu. Gesu. Gesu. Via Gesu. Ouais, avec la bouche pleine, on sait jamais. Mais pour toi, voilà, ça te parle tout de suite, Emilio. Tu sais où c'est, il y a pas de problème. D'ailleurs, tu sais le numéro de l'appart. C'est une maison. C'est une maison. Donc, tu sais que c'est un quartier très riche et que là-bas, il y a que des maisons assez balèzes, quoi, assez balèzes. Ah, ouais, c'est le nom du, c'est le nom de la maison. C'est la via, c'est la rue. Enfin, c'est le. Ah, ouais, d'accord. Quoi. Et je vais appeler mon grand ami Orlando. Enfin, je vais demander qu'on passe Orlando, tu vois. Ok. Pour lui demander s'il a des informations sur les Fascia. Arturo Fascia. Ok. Du coup, tu fais l'appel et il répond. Il fait « Ah, Emilio, comment ça va ?» Ça m'a fait plaisir, là. Comment elle va, cette charmante femme, Catherine? Toujours aussi belle? Ah, toujours. Elle est en train de manger, là. Il faudra vraiment que tu fasses quelque chose pour moi. Vraiment, hein? Fais-lui penser qu'il a un léger ticket, très très léger ticket avec. Ça, il va rendre encore plus service, ça, avec plus de sincérité. Écoute, tu sais, le charme italien, ça touche toujours les femmes. Mais non, mais c'est une belle femme. Moi, il faut que tu me fasses quelque chose. Là, il me faut un rendez-vous. Écoute, ce soir, tu peux passer manger et parler avec elle. Ah, ce soir, je ne pourrais pas ce soir, malheureusement. Demain soir. Non, après qu'on soit reparti. demain soir, vous avez la représentation. Hein, demain soir. Demain soir, il vient avec nous à la représentation. Là, non. Vous avez pas de billet pour lui. Ce soir, tu donnes une date après notre départ. et j'entends sa charmante voix. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut me parler peut-être. Non. Dis-lui que pas celui du téléphone. Pas anglais. Mais c'est pas grave. Hello, welcome. I love you. Buongiorno. You're a very pretty woman. Je sais parler un peu d'anglais, tu sais. Oh là là. Bon, qu'est-ce que tu me fais? Je rigole quand même, c'est ça. Écoute, je te propose, on essaie de se voir un après-midi. On va vous organiser un truc tranquille où tu lui feras visiter un peu la ville. Je vais lui faire visiter la ville. Mais là, on appelle pour le boulot. Hein. Alors, Arturo Fascia, ça dit un truc? Tu vois qu'il y a un blanc. Tu es sûr que c'est Arturo Faccia? Quoi? Que c'est ça que tu m'as dit? Oui. Arturo Faccia. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu as un problème avec lui? J'ai juste besoin d'informations sur. Pourquoi il est dangereux? J'espère que tu n'as pas de problème, parce que oui, il est très dangereux. C'est, comment dire, un homme très puissant de Milano. Et il a, si tu veux, avec lui, les contrôles sur une partie des chemises noires. Ouais. Alors, tu comprends? Si tu as un problème avec Arturo Faccia, ça veut dire que tu as un problème avec les chemises noires. Et prends-nous rendez-vous. Tu ne veux pas avoir un problème avec eux, tu vois? Même moi, je ne veux pas avoir affaire avec lui. Et c'est quoi son vise à lui? Influence. Disons qu'il est monté très vite depuis que le fascisme, tu vois. Mussolini, il est là, alors il contrôle. C'est une des plus puissantes personnes de la ville. D'accord. Même moi, je ne peux rien contre lui. Mm. Alors, c'est mieux que tu l'évites. Il ne faut pas avoir affaire à lui. Sinon, vous pouvez mourir. Vraiment. Et je ne peux rien faire pour toi. Non, d'accord. Bien. J'en parle vite fait à mes amis. Vous avez des questions à poser? Prends-nous rendez-vous avec... Mais il peut pas prendre rendez-vous avec... Parle. Si tu n'as pas d'autres questions, mais peut-être tu peux me passer Catherine. Alors, je veux bien lui parler. Allez. Catherine, il veut te parler. Je ne peux pas. Je suis en train de manger. Ce n'est pas poli. Elle est aux toilettes. Oh non. Je l'entends là. J'ai entendu sa voix. Elle a peur. Non, il l'entend pousser. Elle est intimidante. Non, c'était pas elle. C'était une... Moi, j'appuie sur le téléphone pour accrocher, là. Il a entendu des poches de gaz. Orlando. Là. Oh là, ça a coupé. Emilio. Ah, cazzo. Et du coup, on a ce qu'il nous faut. Arturo Faccia est un puissant, quoi, des chemises noires. Et... ouais. Ça va être un peu dur, mais... Je pense qu'on peut peut-être... On a son adresse? Oui. Oui. Oh, ça va encore pas faire une descente comme ça, mais non, surtout que s'il est proche que... des chemises noires, ouais. Ça veut dire qu'il y a des chemises noires chez lui. C'est ce que j'allais dire. Et lui, il sera sûrement protégé. Donc, si jamais ça refinit mal, je pense que cette fois, il doit savoir que son associé est actuellement là-bas, quoi. Enfin. Et donc, mon idée de prendre rendez-vous avec lui, d'avoir un entretien, n'était pas mauvaise, quoi, parce que vous voulez entretenir. Oui, il va juste nous descendre, hein, il va juste nous casser la gueule avec ses chemises noires. T'as vu comment ils étaient devant le commissariat, ils cassaient la gueule des gens, il se passait rien. Donc, prendre un rendez-vous avec lui, c'est quand même assuré, s'il fait partie du couplot avec les écorchés, les frères de la chaîne. Après, c'est sûr que si on dégaine à chaque sur un mouvement, un coup de réflexe, ça ne tirera pas. Il y avait beaucoup de diplomatie. À la base, personne ne comptait dégainer. C'est lui qui avait une arme au cachet. Ou alors c'est de ta faute, c'est pareil. Ah, c'est pas de ma faute. Moi, à la base, je pensais qu'il avait une main blessée parce qu'il y avait du sang sur sa voiture. Moi aussi, j'ai pensé aux flingues. Mais moi, j'ai pas pensé. J'avouerais. Je pense qu'on devrait se rendre devant chez lui et peut-être essayer de voir les allées et venues qui se passent en gros. Non, c'est dangereux, ça. C'est dangereux. Mais toi, tu t'y connais, Emilio. Attends, j'ai vu, t'es un tireur d'élite, hein. T'as visé la poitrine directe. Non, mais là, on parle de fou furieux. Oui, mais bon. Non, mais j'avoue que. Je suis d'accord avec Emilio, moi ça me fait peur. Hein. Ils vont pas avoir des petites flingues, hein. Ils vont avoir gros calibre. Pas... Et puis ils vont être nombreux, c'est ça le problème, c'est que. Un tir bien placé d'Emilio, c'est bien, mais s'ils sont 10, un seul ne suffira pas. Quoi. C'est ça, et surtout, on peut avoir l'effet de surprise. Mais, ils ont des Thompson, ils ont des Thompson avec eux. On peut avoir l'effet de surprise sur un seul, mais on va pas avoir l'effet de surprise tout le temps. Tu peux tromper une fois 1000 personnes, mais tu peux pas tromper 1000 fois. Attends. Tu peux tromper 1000 fois une personne, mais tu peux pas tromper. Une fois. Une fois une personne. Non, attends. Est-ce que il y a aussi cette histoire de Scala qui est la demeure du diable? Le prêtre nous avait donné que ça comme indice aussi, ou c'était pas un indice, mais il disait la Scala c'est la demeure du diable. Mais parce que c'est à cause du c'est en train de faire en ce moment, je pense surtout. Il a dû entendre parler de des mains qu'on a vues la dernière fois. Comme des corps, après oui. Voudrais qu'on je te rappelle, Monsieur Conti a aidé la Scala. Hein. Il a aidé la Scala comment? J'ai mis ça. Monsieur Conti aide la Scala. Bah, il l'aide comme. Il donne de l'argent. Ouais, il donne de l'argent, je crois que c'est un... il finance. Hein, donc. Donc, les écorchés seraient peut-être à la Scala, tu vois. Les écorchés sont peut-être à la Scala, peut-être qu'il a une loge à la Scala. Il n'y a plus d'écorchés, là. Il y a du truc de la nouvelle chair. Oui, mais c'est la même chose. C'est le culte de l'écorché. Les frères de la chair, c'est le culte de l'écorché. Avec ceux qui... Mais est-ce que tu te rappelles de la bibliothèque quand tu étais à Londres? Il y avait un mec qui est venu écorcher. Oui, mais je te remercie, je l'ai vu de mes yeux. Avec un morceau de chair. J'ai perdu 10 kilos là-dessus. Et c'était un frère de la chair. C'est vrai. Et d'ailleurs, on sait que, enfin, il est écrit là actuellement sous ce petit carnet de tourisme, c'est bien étrange, puisque je lis la malédiction de Alaska, où les couturières tombent malades mystérieusement. Et donc c'est un endroit pour toi. Et tu vas te faire stagiaire là-bas et écouter les ragots des coulisses. Non, bah non. Autant que tu tombes malade. Ouais, si elle tombe malade, c'est forcément que ça a été ça. Il y a peut-être un lien. Bon, je serais aussi. Là, je viens de changer peut-être d'avis. Je serais de l'avis de Nelson avec cet homme, là, le Fatia. Pourquoi pas essayer de l'appeler et essayer de devenir des réponses. Moi, non, je... On rentre vraiment dans un c'est pas le petit gars qui a une belle maison et de l'argent. Là, c'est vraiment le gars qui a du pouvoir, qui saura l'utiliser, qui fera preuve de méchanceté pure pour l'utiliser. On donne rendez-vous à la Scala. Déjà. Par contre, oui, on pourra le voir à la Scala parce qu'on fera la représentation sûrement. Tu cherches réellement à t'introduire dans la maison. Bon, c'était pas mon idée à la base. Si on peut se diviser et faire un groupe de diversion et un autre. Non, on se divise pas. Mais en attendant, ce que je dirais, c'est un simple entretien avec toi, chez lui ou ailleurs. Ailleurs, ce serait mieux parce que ce serait un peu plus neutre. Pas forcément sur. Voilà. Lui, hein. Effectivement, s'il est à la Scala, comme l'a dit Mio, si je me trompe pas, il y a peut-être moyen que il soit plus facile, enfin qu'on puisse prendre. Selon mes suspicions, si ça se termine en bas de sang à la Scala, il risque d'y avoir une action en chaîne. Il y a grande chance qu'il se passe quelque chose à la Scala aussi. Exactement. Il faudrait mieux qu'on le rencontre avant. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. tout est parti d'un porte-manteau, hein, puisque je voulais. Quel moi, motif pour le rencontrer en dehors de ça? On va le voir, on dit oui, bonjour, Catherine voudrait créer des nouvelles chemises pour vos. L'appelles. Tu lui fais dire par. On peut. De ma part, on va dire. Tu lui dis simplement qu'on a exécuté un homme qui était en non. contact à faire, qui est en contact. Je dis pas ça, moi. Lui. Non, non, alors. Mais non, mais t'es l'intermède, t'es l'intermédiaire. Et, ou alors Alberto, là, ton pote. Et par rapport à ça, on cherchera à avoir un enfant en dehors de sa. Non, on va. Si je dis ça, je suis un homme mort. Si Orlando dit mais ça, pas toi. Mort. Mais pas toi. Et bah voilà, il sera mort. Bon, bah non, c'est. Au moins, c'est pas lui, pas toi. Est-ce qu'on peut faire un test d'idées du coup pour peut-être nous donner un petit coup de pouce sur ce que l'on peut faire comme peut-être action, future action. Bien sûr, vous pouvez. Ah. Oh, il y en a qui font des tests de fou. Là. Ouais. Ouais, mais il veut pas. Oh, oui. Il veut pas du tout. Hein. Non, mais fuck. C'est le. Ouais, bah, ouais, mais ça explique pourquoi c'est... il veut qu'on dise clairement qu'on a tué son pote. Ok. Nelson, lui, est déterminé dans son idée qu'il veut rencontrer ou aller à la rencontre de Arturo Facchia. Et je suis un peu d'accord avec lui. il pense que voilà, c'est Flavio Conti, voilà, c'est clairement il a été clairement en contact avec la diva. Il a évoqué les frères de la chair. On lui a transplanté des poumons par je ne sais quel biais machin. Et le seul truc qui seul indice que vous avez par rapport à ça et le plus frais pour lui, c'est Facchia. Donc pour lui, c'est clair et net, il faut aller voir Arturo Facchia. Et du coup, on l'appelle. Attends, mais y a d'autres idées qui. D'un autre côté, Emilio, lui, il est sûr que l'idée de Arturo Facchia est insensée et est trop dangereuse. Hein. Il connaît son pote Orlando et il sait que si on lui dit de ne pas faire ça, il faut pas le faire du tout. Donc, déjà, ça, c'est niet pour lui. Hein, seulement, il a écouté un petit peu ce qui a été mentionné par Catherine et qui est passé un peu au travers de votre discussion. C'est que Catherine a mentionné, pendant que vous étiez en train tous de donner des idées, de débattre, qu'elle a vu en fait que. Sur un prospectus qu'il y avait une espèce de malédiction qui sévissait à la Scala sur des couturières qui tombaient malades mystérieusement depuis quelque temps et qu'elles ne restaient quasiment en fait quelques mois ou quelques semaines après être arrivée, être embauchée à la Scala, elle repartait avec des problèmes de respiratoire, des problèmes de dos douloureux, des problèmes vraiment qui faisaient qu'elle ne pouvait plus exercer. Et ça allait jusqu'à la pneumonie. Du coup, bah, c'était compliqué pour dernièrement pour la Scala de trouver des couturières qui restent assez longtemps. D'ailleurs, vous avez croisé trois couturières a priori à la cathédrale des Duomo, trois vieilles. Mais pour vous, elles n'avaient pas l'air d'être très malades. En ce qui concerne eh bien, Catherine, elle justement est encore comme pour Emilio. Il y a quelque chose à creuser là-dessus. Hein, clairement, elle fait un petit peu peut-être le parallèle avec et Emilio aussi sur des mots qui touchent des parties du corps. Et toi, Peter, qui depuis quelque temps, toi aussi, tu es sujet à des soucis au niveau de ton bras gauche. Depuis que tu es entré en contact avec un certain bras gauche. Ouais. Voilà. Et Peter, bah voilà, toi par contre, toi aussi tu veux absolument aller voir Arturo Faccia. Donc c'est un peu un statu quo. T'es censé vous aider. J'avais aussi émis l'idée qu'elle fasse partie des stagiaires derrière et que elle ramasse les ragots, les radotages. J'ai exprimé cette idée à un moment donné. Ça a été aussi évincé aussi que je l'exprime. Et aussi de la part de Catherine. Du coup, après. Cette réflexion, ces idées qui vous parcourent l'esprit, que faites-vous? Ouais, moi je reste sur l'idée, il faut te contacter. On se sépare au pire. Bah non, on a besoin de... séparer. Non, bah, non. Vous... Moi je vous trouve un interprète s'il faut, mais je viens pas. Il va falloir qu'un des deux groupes cède. Ah, moi je céderai pas, là. Bah, dans ce cas-là, vous pouvez vous séparer, tout simplement. Si, on va pas se tirer dans les genoux, là. On va rester ensemble, non? Je ne vais pas voir Arturo Faccia. Mais moi non plus. C'est bon. Jamais j'allais alors, voir. Alors, moi, je vais couper la poire, alors, à ce compte-là. Si tu veux pas, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je vais à la Scala. Tu vas faire quoi? Tu vas être spectateur, tu vas pas être sur le fauteuil à regarder le spectacle. Non mais vous avez accès aux coulisses, n'oubliez pas. Et Catherine, elle va faire quoi alors? Ben, elle va... Je sais pas, j'imagine que tu vas avec Emilio, non? Ouais, bah oui. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait Catherine en attendant. On a la même idée, donc je vais pas me séparer en plus de ça d'Emilio, ça serait bizarre. Mais tu veux pas bosser à la Scala en tant que stagiaire infiltré, c'est ça que non, je... Non, mais on peut déjà rentrer de base à la Scala, on n'a pas besoin de dire qu'on est stagiaire. Mais tu rentres en tant que visiteur, pas en tant qu'employé. Les employés se confient plus aux employés qui se confient aux clients ou aux supérieurs. On est vu aussi comme des personnes de confiance aussi parce qu'on nous autorise à rentrer pendant la répétition. Pour enquêter, en fait, ils ont le droit de rentrer pour enquêter sur la disparition de la diva. Donc en soi, eux, ils sont là en tant qu'enquêteurs pour aider à retrouver. Moi, je veux bien suivre Peter pour couper la poire en deux, pour diviser en deux. Mais par contre, vous deux, dites-vous bien que les employés se confient plus aux employés eux-mêmes, entre eux, qu'aux gens de l'extérieur ou aux dirigeants, aux supérieurs, aux chefs. Ah, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais quand ils sauront ce qu'on cherche, ils vont tout le dire. Je veux bien aller avec la Peter. La diva, c'est la diva. Ouais. C'est comme Zizou. T'as pas intérêt à la perdre, sinon je te descends derrière. Juste un truc, le temps que vous parlez, il est à peu près 22h, entre 22 et 23h. Vous êtes exténué, la journée a été compliquée, surtout la fin. Vous êtes au bout de votre vie physiquement et psychologiquement. Je vous rappelle quand même que vous venez de tuer quelqu'un. Toi, Emilio, tu as tué quelqu'un. Donc, dans ta tête, c'est pas GG. Même si tu l'as pas tué ouvertement Catherine, tu as tiré sur un homme. Donc c'est... Et quelque part ça vous revient un petit peu à l'esprit. Donc j'estime que avec le recul, toute l'adrénaline qui s'est passée, tout vous retombe maintenant sur le dos. Et je voudrais que vous deux, vous me fassiez un jet de San. Bon, ça va, il a tué 103, donc ça va. Je vais me flageller, mais j'ai tué quelqu'un aussi. C'est vrai. Eh ben, tu peux faire un jet de sane aussi. Mais j'en suis conscient. Donc j'y ai pas droit. Si. Emilio, tu réalises vraiment maintenant que tu as ôté la vie à quelqu'un, même si c'était pour te protéger et protéger tes amis. Comment se tirer des balles dans le pied ? Attends. Tu tires déjà des balles dans les pieds de tes alliés. Hein. Non, toi, je te dirais dans l'épaule, toi. Ah. C'est un moment compliqué. Tu vois que tu t'assois un petit peu dans la première chaise que tu trouves. T'as la tête qui est dans tes mains en fait. Et voilà, tu réfléchis beaucoup à ton geste et en même temps tu es vachement contrebalancé par le fait que c'était lui ou toi ou Catherine, enfin ou l'un de tes amis. Du coup, tu encaisses quand même, mais ça va être dur pour toi. Moi, je vais aller chercher une bouteille de chartreuse, je vais commander une pizza à la réception, et je m'assieds à côté d'Emilio, et je lui tends un verre. Ah, mais Emilio, là, il veut aller se coucher. Hein. Mais ça aide à se coucher aussi. Donc, vous perdez tous les deux un point de santé mentale. Pas lancer le dé, quoi. Toi, Catherine, par contre, voilà, tu t'es convaincu que tu l'as pas tué. C'est pas toi. Voilà, ça a été très rapide. T'as tiré, mais vraiment sans vraiment. Enfin, c'était un réflexe. Mais voilà, tu traces. J'ai dû le rater, je pense. La balle est passée à côté. Ouais, voilà. Alors, à la limite, tu te dis, ouais, tu l'as pas touché. C'est vraiment Emilio qui l'a tué. Hein, ça, je... Voilà. C'est sûr. Donc, du coup, tu encaisses. Tu encaisses, ça passe. Oui, ça passe. Ah, c'était pas ton geste, ça, de San, Nelson ? Si, si, non, mais j'avais pas le verrouillage numérique pour rentrer ma nouvelle San, du coup, j'ai dû... Ah, d'accord, ok. Okay. C'est un muscle. Ça passe. Bon, maintenant vous êtes épuisé, je suppose que ça va être le moment pour vous d'aller vous coucher. Alors la nuit va peut-être... Je mange ma pizza, j'ai fini, je vide la moitié de la bouteille de chartreuse. Ok, ça marche. Vous allez au lit, les autres ? Bien sûr. Donc la nuit risque... Pour éviter les cauchemars. Risque d'être un petit peu compliqué. Deux heures se passent. Vous êtes tous allés vous coucher. Toi aussi, Nelson. Tu as fini ta bouteille de chartreuse. Et ta nuit est un peu agitée, mais vous arrivez quand même à dormir. Vous allez me faire un jet d'écouter, s'il vous plaît. Je savais que... Tire. La... Une chaise. Non, fais pas ça. T'es juste quelqu'un qui est totalement... Qu'on dit, déjà... Parano, voilà. Ok, donc là c'est Emilio, Catherine et Peter. Non, il a 20, c'est un échec pour Nelson. Il a fait 40. Ah oui, il a 20. Extrême. Hein. Bon, moi je sais qui c'est hein, directement. Je sais pas ce que c'est, mais je sais qui c'est. Ok. Alors. Elle dort pas. Je dormais pas. Vous dormez tous les trois, mais à un moment, dans votre nuit de sommeil, qui est toutefois assez agitée avec ce que vous venez de vivre, vous entendez quelque chose. C'est un stylo qui est tombé. Hein. Non, mais c'est la police ou un truc comme ça qui vient nous chercher. Ils nous ont retrouvés. Je sais pas. Ah bah, il y a vraiment que ça, comme oui, on n'a pas d'autres indications. Vous entendez une femme, une voix de femme qui vous rappelle quelque chose. D'accord, et qui... Cette voix... C'est la diva. Cette voix... résonne dans la rue. Non, c'est sa femme de ménage. Enfin, c'est sa confidente, quoi. Ça. Moi, valet. Je vais aller voir, hein. Directement, je me lève du lit. Évidemment, oui. Je me lève, hein, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, pareil. Effectivement. Arme en main. Je me colle à la vitre, je regarde ce qui se passe dehors. Vous regardez ce qui se passe. Bon, évidemment, vous n'avez pas la musique. Hein. Vous avez juste la voix, on est d'accord. Ah, j'ai pas la musique, sinon je bug trop. Du coup, je ne sais pas. Ouais, pareil. Il n'y a personne qui écoute. Ah, vous écoutez non, pas bah, Watch Together? Bah. Et Google Chrome, il nie toute ma connexion. Si je me mets sur Watch Together, je vous entends plus. D'accord, en gros, il y a que les viewers qui entendent cette musique. Ouais. Non, mais j'imagine. Vas-y. Ouais, fais une petite description audio, s'il te plaît. Une voix cristalline, puissante à la fois. Un vibrato qui vous a ensorcelé une soirée dans ce train de l'Orient Express, quand elle vous a chanté son aria. Et d'ailleurs, c'est le même aria que vous entendez. Cette voix à la fois puissante et douce, qui vous fait, malgré votre crainte et malgré votre... comment dire, votre... étonnement, vous fait verser une larme. Vous revenez un peu à cette émotion pure et douce que vous avez eue dans ce train. Sauf que là, c'est dans la rue. Et la diva a disparu. Vous voulez donc tous et toutes... arme à la main ? Moi, j'ai mon arme dans la main, ouais. Honnêtement, je suis en pyjama, je pense pas que j'y pense sur le coup, quoi. Moi, vu ce qu'on a fait la veille, il y avait mon arme sur la table de nuit, quoi, vraiment. Moi, j'ai pas d'arme. Ça répond à la question. Donc ouais, moi je pense pas, je l'ai. Dis-moi tout. Tu n'y vas qu'armé de ton courage. Ouais, on va dire okay. Ça. Est-ce que vous allez, vous levez, donc vous sortez de vos chambres respectives, et vous voyez que seul Nelson n'est pas présent. Oh, je vais aller me réveiller. Ouais, on frappe à sa porte. Nelson, tu te réveilles, on frappe à ta porte assez violemment. Ouais, ok. J'ai 2 minutes, le temps que je m'habille correctement. Police. Le temps que tu te prépares, tu entends une voix qui t'est familière, un chant venu de la rue. Non, c'est elle. Un chant qui vient. Je regarde du côté. Je regarde en direction de la cathédrale. Tu ne vois rien. Tu vois, la nuit est claire. Oui, la nuit est claire. Les nuits sont, enfin, les rues sont sombres. Très la peu nuit éclairée. Est claire, c'est bizarre. Hein. Et non, bah, en gros, la lune est haute et bien, bien visible, mais les rues de Milan sont éteintes. Donc, la visibilité est presque nulle. Mais cette voix cristalline et qui t'a tant émerveillé lorsque tu étais dans ce train est bien là. Et d'ailleurs, quand tu sors de ta chambre, tu vois tes 3 amis, dont Emilio, avec une arme au poing. Et ils sont tous un peu paniqués et hébétés. Mais je demande de cette situation. Qu'est-ce que se passe ? Que se passe-t-il ? Tant toi, bien, Nathalie, avec tes yeux bridés et ta face de citron. Non, mais t'entends bien, c'est... la diva, quoi. Oui. Enfin... oui, oui, je reconnais sa voix magnifique, cristalline. On y va. Quelle heure est-il? Pourquoi Pourquoi maintenant Bah, écoutez, je vais m'habiller et je vous rejoins au plus proche de la cathédrale. Je pense qu'elle est là. Vous avez en fait l'impression que la voie est pas forcément proche de la place de la Piazza di Duomo, mais plus dans la galerie. Comme si vous aviez une espèce de d'écho, comme si c'était amplifié par cette galerie, vous voyez, qui est comme, enfin, c'est un intérieur, hein. Et donc c'est amplifié, c'est écho, ouais. comme si le son venait de partout et de nulle part en même temps. C'est difficile de localiser l'endroit. Ils viennent pas de la piazza, là, la Scala. Non, vous avez vraiment l'impression que le chant vient de la galerie. Tenter de la chercher. Moi, j'ai tenté de la chercher, en tout cas, dans les rues. Ça me paraissait tellement effrayant, mais je pense qu'il y a besoin d'avoir le cœur. Qui y va ? Moi. Moi, le temps m'habiller. Le temps m'habiller et de m'armer. Ok, donc vous vous habillez tous rapidement. Catherine, tu te mets une tenue un peu plus décente que ta chemise de nuit. Vous sortez dans la rue. D'ailleurs, vous remarquez que vous n'êtes pas les seuls, puisque d'autres personnes aussi, avec une espèce de lampe torche, enfin, une espèce de petite lampe de fortune, sortent dans les rues parce qu'ils entendent aussi la diva. Vous dites « Oh, c'est la diva ! C'est la diva !» Mais vous croyez qu'en ayant... Et tout le monde la cherche un petit peu. Vous pensez que lorsque l'on s'est débarrassé de ce Visconti, on a réussi à libérer ou juste pure quoi là, parce ça que, de ouf, non, j'entends rien. Ouais, ça, il bug un peu. Non, mais du coup, le fait que j'étais loin du micro, pardon. Je disais simplement, est-ce que le fait qu'on s'est débarrassé de Visconti, on ait pu libérer Ça me semblerait bizarre, en vrai. Moi, je trouve ça une coïncidence assez... Mais je trouve ça quand même bizarre. Ouais, je me dis que c'est pas forcément lié dans l'immédiat, tu vois. En tout cas, pas c'est pas une action directe. Mais c'est pas con. Je me pose la question, c'est par la chirurgie qu'il a eu. Hein ? J'ai pas entendu. Non, la chirurgie qu'il a eue à la poitrine. Oui. Donc, débarrassant de Visconti et il a dû faire un thème. Un certain pacte catholique. Peut-être possible. Du coup, on cherche la diva dans les rues de. Ok, vous allez tous me faire un petit jet d'écouter, s'il vous plaît. Vous êtes au départ tous un peu ensemble en train d'écouter. Vous voyez que c'est des sons qui. Ça a fait 17, mais ça n'a pas été compté, donc c'est 84. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Ça a fait 17. Écoute, c'est pas grave. Je les ai pas lancés dans le truc. C'est pas grave, je te fais confiance, ça fait 17. Emilio, 23. Ensuite, on a... Moi, j'ai raté de 5, je suis triste. Mais ça J'ai loupé. Ok. Donc, vous voyez, Catherine et toi, Nelson, vous commencez à suivre un petit peu la même direction. D'ailleurs, tu vois que Nelson suit Catherine pour... J'ai fait 0,8. J'ai fait un succès critique. Mais alors, tu me dis que t'as raté. Mais non, je rigole. Mais j'ai pas vu le jet. Alors, dans ce cas-là... Je l'ai fait au dé. T'as raté. J'ai pas compris, moi. Oui. Non, c'est parce qu'il a lancé les dés sur la table. Ah, d'accord. Ok. Oui. Donc, tu as raté, on est bien d'accord. Voilà. Ok, bon. Donc, toi, Nelson, tu suis c'est Catherine. C'est marrant que pour moi. Tu suis Catherine. Hein, tu préfères, veiller à sa sécurité. Tu sais pas trop par où partir, du coup. Tu préfères la suivre au cas où. Et vous partez dans une direction. Par contre, toi, Peter, et toi, Emilio, vous suivez l'opposé. Vous entendez en gros cette voix et vous avez l'impression que plus vous allez dans cette direction-là, et plus la voix est forte et comme si vous vous rapprochiez un peu de la source. Vous commencez à accélérer le pas même, et vous voyez très vite que vous êtes seul dans ce passage, et jusqu'à arriver où un passage qui n'a pas d'issue. Ah, rien, sans issue, ok. Et vous ne voyez rien. Pourtant, la voix est bien présente. Et je me retourne. Jusqu'à un moment où votre regard se balade un petit peu sur l'endroit. Et vous levez la tête un peu. Et vous voyez, dans la pénombre, une petite chose qui bouge doucement. Caméléon. Assez petite pour être un caméléon. Et ce qu'ils ont fait. Et le caméléon, vous voyez qui part très rapidement et disparaît. Péché. Caméléon. Attends, quand le caméléon part, est-ce qu'on entend moins bien le chant? Mais vous voyez que quelques instants après que le caméléon ait disparu, la voix disparaît aussi. Il faut retrouver ce caméléon. Non, on est dans quel quartier là? Là, on est rue Rivoli. Ah non, vous êtes toujours dans la galerie. Vous êtes en fait dans la galerie. En fait, c'est comme un marché couvert en fait. Ouais. Mais sauf que c'est que du luxe. Hein. Faut imaginer, c'est que du luxe. C'est rue Ravioli d'abord. et c'est recouvert par un espèce des dômes de verre. Et donc c'est très très esthétique, très une architecture très très raffinée avec du métal comme des serres. Tu vois, mais avec des dômes en verre. Emilio, tentons de retrouver le caméléon en allant dans cette direction. Bah, en gros, ouais. Vous voyez que c'est un mur que vous avez en face de vous et que le caméléon, lui, était un peu plus en hauteur et de par sa nature même de reptile, il peut se mouvoir dans des endroits où vous ne pouvez pas le faire. Et ce mur, normalement, il y a quoi? Bah, vous pensez que il est fort probable que ce soit la Piazza del Duomo, mais vous devez faire demi-tour complètement, retourner sur vos pas pour repartir sur une autre. C'est fermé. En gros, c'est un homme ne peut pas passer. Okay, un reptile le peut, mais un homme pas. Et des inscriptions sur le mur? Pas du tout. Bon bah on se casse. Hein. Bah, on va à la place. On va essayer de trouver les deux autres là. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés. Encore pour aller se remaquiller Catherine, sûrement. Hein. Du coup, vous retournez en arrière? Bah, vous retournez en arrière et effectivement, vous recroisez du coup Catherine et Nelson qui revenaient sur leurs pas. Qui ont, pour eux, ont fait chou blanc, ils ont juste noté que bah, le champ a disparu. Voilà. Et vous vous retrouvez. Ah, Je vous demande, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu? La diva, c'est le caméléon. Ne dis pas comme ça. Là. Ça explique tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je te dis simplement que en écoutant le chant de la voix, nous sommes tombés dans une impasse avec Emilio et en nous retournant, nous avons vu le caméléon et celui-ci a détalé. Je peux t'assurer qu'on ne pouvait pas le suivre, mais en tout cas, la voix s'est tue au moment où il a commencé à fuir. On pense qu'il aurait copié la voix de la diva. Peut-être par le même procédé que ce qu'a fait l'homme, comment il s'appelle, Concile. Ouais. C'est-à-dire que certainement l'organe qui lui servait de voix est maintenant sur le caméléon, et maintenant elle a peut-être une voix de caméléon. Oh là là. Mais ah moi j'en sais rien. Ou alors c'est le caméléon qui a... Dans tous les cas, c'est horrible là, ce qui vient de se passer. Mais moi je dis pas que le caméléon c'est la diva, moi je dis juste qu'il a la voix. Oui, et tu me diras, c'est plus vraisemblable ce que tu dis, malheureusement. Oui, j'ai bien peur. Bon, après, c'est une petite chose. Normalement, des cordes vocales, je pense pas que ça va comme ça, mais on ne sait jamais. C'est le caméléon. Et on n'a pas réussi à le retrouver, mais il doit être dans le coin. Si on cherche, peut-être on le trouvera. Pour retrouver le caméléon, retrouver son propriétaire. Alors, là-bas. C'est un petit truc comme... Ah ouais, pas con. Et je n'ai pas son nom. Le propriétaire, il faudrait voir le prêtre de la cathédrale. On lui a posé la question, il ne savait pas qui c'était aussi. Il n'a pas vu, en fait, il n'a pas eu le temps de voir. Il n'a pas su qui c'était. Mm. Écoute, je me rappelle bien qu'on m'a fait la hola lorsque je courais après le caméléon. Hein, pour me faire derrière. Pour dire, ce caméléon. Pour nous, c'était juste un caméléon. C'est bizarre, mais bon. Voilà, quoi. Il va pas te courir derrière un chien parce qu'il y avait un chien dans une église. Quoi. Du coup, il est maintenant à peu près 3h du matin. Vous êtes devant votre appartement, de votre hôtel particulier. Après la journée. Qu'est-ce que vous faites? je retourne dans le salon de l'appart. Ok, donc vous remettez, essayez de trouver le sommeil. Et voilà, essayer de trouver le... Ok. Donc vous remontez, du coup, vous finir votre nuit qui a été plutôt agitée, hein, du coup. Beaucoup d'événements se sont produits ces dernières heures. Le matin vient. Vous vous réveillez d'une nuit assez compliquée, mais vous avez quand même réussi à vous reposer un petit peu. On vous amène un petit déjeuner copieux. Il est 9h du matin. Quel est donc le programme de votre journée, en sachant que ce soir, vous aurez la représentation de Ada à la Scala. Avec ou sans la diva. Avec ou sans le caméléon. Si la diva n'était pas présente, vous savez que sa remplaçante prendra la suite. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois, non? Parce que je pense qu'on aura oublié ce qu'on voudra faire la prochaine séance. Déjà, on a commencé en retard. Là. Pas loin d'une demi-heure en retard. Donc, c'est comme tu veux, si tu veux arrêter. Si les gens peuvent continuer encore un petit peu, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas trop ce que... Enfin, à part appeler le type, nous... On peut tout à fait dire, là, on peut pousser sur 20-30 minutes en plus. Voilà. Non, moi je pars à cette tôt. Bon, bah alors, dans ce cas-là, on va pas pousser. C'est assez tôt pour moi aussi. Voilà. Du coup, dans ce cas-là, si il n'y a pas de souci, on peut tout à fait, vous pouvez tout à fait déjà dire ce que vous comptez faire dans cette journée, enfin la journée qui va venir, et on fera la journée en sachant que il y a de grandes chances que ce soit la dernière journée à Milan. La dernière. Je vais commencer par commander une calzone pour 4 pour le aller. Mais moi, j'ai pas faim par contre. Emilio n'a pas faim, il touche à peine à son jus d'orange. Bois ton jus d'orange. Une calzone pour 4, je mangerai ta part. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. Je dis ça. Est-ce que aller à la Scala, ça vous intéresse plus qu'une calzone? Oui. Avec la calzone à la Scala, j'irai bien. Tu ne rentres pas avec. Du coup, tout le monde va à la Scala ou il y en a qui sont toujours. Peter, t'étais Arturo parti sur Fascia. L'idée de rencontrer Arturo Fascia. Moi, j'étais parti pour t'accompagner. Aller à la Scala le jour même où nos compars sont à la Scala. Il a changé d'avis, Peter. Je crois que Peter, il a viré sa veste. Peut-être que l'épisode de la nuit a peut-être fait changer d'avis Peter. Et qu'il a... Voilà, il a réfléchi... Pourquoi il a appelé Arturo? C'est parce qu'en fait, il veut dégommer les syndicalistes qui font barrage à son entreprise. Et pour moi, c'est ça, en fait. Et du coup, je me dis, mais en fait, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Il les a appelés, il dit, ouais, dégagez-moi les syndicalistes de chez moi. Les mecs, ils sont venus taper, et puis c'est tout. C'est possible, c'est possible. Pour voir, d'une part, on va aller voir la Scala, récupérer le plus de ragots possible, de rumeurs, d'indices. Le mieux, c'est les indices. Ensuite, priorité numéro 2, c'est savoir à qui appartient ce caméléon, hein, pour le retrouver, pour chasser le caméléon. Retrouver le caméléon, peut-être, hein. Jamais, ce sera un bonus. Peut-être que c'est à quelqu'un dans... Et peut-être qu'entre-temps, il y aura un troisième mort. Peut-être. Mais c'est vrai que le coup du mafieux, il vaut mieux pas le rencontrer au final. C'est pas un mafieux, c'est pire, c'est un fasciste. C'est un fasciste. C'est un fasciste mafieux. Non. Si. C'est un fasciste. Non. Si. Bah, si. Bah, ok. Les mafieux ont un code d'honneur. Fasciste, c'est fasciste. Les mafieux ont un code d'honneur. Que vous avez, en gros, jusqu'à 20h pour faire ce que vous avez à faire, puisqu'à 20h commence l'AIDA. Bah, de toute façon, si elle n'est pas là, la diva, pourquoi on irait? c'est ça aussi. On avait promis à la diva d'y aller. Que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre, on table sur ces deux-là. Bon, après, je ne sais pas. Voilà. Le propriétaire du caméléon, pour savoir, voilà, au moins un minimum de choses. Après, le caméléon, ça sera toujours un bonus si jamais on le retrouve. Mais, et aussi se trimballer, gober des rumeurs et des ragots, qu'à là, avant, représentation. Pendant aussi. Pendant réception, durant l'entracte, parce que dans les opéras, il y a des entractes. Il y a des réceptions, hein, des réceptions. Ok, donc du coup ce sera un début à la Scala pour vous, à la prochaine session, dans deux semaines. Dans deux semaines, vous attaquerez par la Scala et on verra bien ce... Entre temps, révisez votre chapitre 21, page 4, demain il y aura des grosses surprises. Et je vais juste mettre l'intro, enfin le final et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. Voilà, nous sommes de retour pour vous jouer de mauvais tours. Bien, voilà, nous avons fini cette session 22 sur un peu du suspense. Suspense, que se passera-t-il? Emilio, t'es un tueur, toi. Emilio a tué quelqu'un ce soir. Non, je suis un protecteur. C'est Nelson le tueur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je me débarrasse des preuves. Entre autres, le majordome était une preuve. Je me débarrasse de lui. Tout. Ouais, je t'en veux pas. Du coup, je vais juste faire le. Je vais en profiter, juste faire le tour rapido. Parce que je pense que Grenadine va pas rester très longtemps parce que fatigué et pas mal de boulot encore à venir pour tes études. Du coup, est-ce que ça a été pour toi? Ton petit retour de fin de session? C'était une bonne session. On est dans l'avancée habituelle. C'était sympa, la petite confrontation. J'ai bien aimé. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il ait une arme, en fait. C'était lui qui était blessé. Et je partais vraiment du principe en fait, qu'il allait sortir une main ensanglantée, un truc comme ça. En fait, non. Et du coup, heureusement qu'on a Emilio dans l'équipe, parce que... parce que j'ai rien vu, Emilio, voilà pas pourquoi. Bon, parce, que... Chose, mais au moins, parce que tais-toi, parce que j'ai rien vu. Juste ça. Ah oui, c'est des choses, voilà. Donc, écoute. C'est très sympa à jouer. Voilà. Non, bah, c'est cool. Bon, ça va. Si la session a été bien pour toi, je suis content. Si tu dois y aller, il n'y a pas de souci. Hein, ouais. On va finir aussi avec les autres. Et puis, ceux qui voudront rester un tout petit peu de plus pour discuter un petit peu, bah, ils pourront. Je vais rester écouter, mais vers minuit, je pars, quoi. D'accord, ça marche. Les autres, alors dites-moi, faire votre petit retour. Hein. J'écoute. J'ai détesté. Tu sais, comme je... Ok, d'accord. Je déteste ce jeu. Je le vomis une heure à l'avance sur mon chaque partie. C'est un truc. Va falloir que je paye un peu plus alors pour que tu restes. J'ai des douleurs abdominales, j'ai des angoisses, j'ai des montées de fièvre, je suis en faim. D'après ce que j'ai cru comprendre, on n'est pas payé la même somme. Mince. Voilà, il va falloir les autres, c'est pas faire. Hein. Il va falloir que je monte les tarifs là. Mince. Du coup. Sérieusement, revenons sur la sérieusitude. Comment ça a été pour vous? C'est bien. J'ai l'impression de cogiter un peu plus sur cette session parce que. On arrive à des moments où on doit essayer de trouver quelques trucs et heureusement qu'on a les jets d'indices parce que sinon moi je trouve que des fois on se perd en conjoncture de trucs, on commence à parler de n'importe quoi, il faut recadrer parce que je trouve en même temps pas tout à fait d'accord, mais je trouve en même temps c'est un peu trop facile de demander le jet d'idées, c'est un peu trop. C'est le but du jet en fait. C'est non, mais le demander, je trouve ça, c'est trop facile. Quand tu as commandé, Tu te demandes, en fait. C'est pas le MJ qui doit le demander. Ah, mais c'est mieux. C'est mieux, en fait, moi, je trouve. C'est mieux. Après, ça dépend. Quand le MJ voit que tu butes, quand le groupe il bute trop, là, peut-être que le MJ. Après, c'est trop facile de demander. Je ne sais pas où sont les toilettes. Non, mais je pense que, de toute façon, je l'aurais fait à un moment donné parce que je voyais que il y avait vraiment. Deux directions et ça discutait pas mal et tout et en même temps voilà il y a eu cette petite information qui a été glissée j'ai réagi à cette info, elle était aussi éclipsée derrière et voilà en fait c'est une info que j'avais envoyée à notre chère amie Catherine elle est passée. En fait, vous étiez tellement dans un truc que c'est un peu passé inaperçu. Du coup, le fait de faire le petit jet d'idée, ça vous donnait un petit peu de quoi rebondir sur une information qui avait peut-être pas été enregistrée. Voilà. Mais c'est vrai que c'est normal ce jet d'idée, moi je trouve. En vrai, tu vois, donc Toulouse, c'est un univers dense. Et en fait, le jeu de rôle veut que tu te perdes de toute façon dans les informations. C'est voulu, quand même. On le sent. Et du coup, c'est pour moi, j'ai l'idée, c'est normal et c'est legit, en vrai. Voilà. Après, j'essaie quand même vachement de vous laisser de la liberté et de, et que vous fassiez un peu le tempo du truc. Alors, vu que c'est une campagne, voilà, on prend le temps... ce serait one shot, ce serait différent. De mon avis personnel, excuse-moi, je te coupe la parole. Oui, vas-y. De mon avis personnel, je préfère qu'on se perde en conjecture, à se proposer des suppositions, à suspecter des trucs complètement what the fuck ou non, plutôt que hop, lancer une paire de dés et le tour est joué, tu vois, pour être redirigé. Bah. Je veux dire, sans l'intervention du MJ, je te parle juste des règles, sans l'intervention du MJ. Après, le MJ il peut intervenir, bien évidemment, ça c'est cool aussi. Hein, là, on est quand même. Je me perds de conjecture, je me perds dans la forêt plutôt que. Balance le dé pour qu'on retrouve notre chemin de cailloux vert et rouge, quoi. Oui, non, mais là c'est. Après, c'est mon avis perso. Mais, c'est deux poids deux mesures quand même. Là, on était à un moment où on butait, où on savait pas sur quoi partir. Parce que des soirées où je me rappelle que j'ai passé des soirées où on avait un petit brainstorming de plus d'une heure, juste le brainstorming d'une heure. Donc c'était une grosse pause, on était tous avec notre café et notre tavane, Parce qu'en fait, on est sur un live. De la discussion, je ne pense pas qu'on peut faire ce genre de choses en live de brainstorming, même si c'est autorisé. On peut bien sûr cogiter pendant une heure. Que tu as une tranche d'oreille. Sans envoyer les paroles à chacun, mais par contre, comme on est en ligne, c'est un peu plus compliqué. En live, c'est encore d'autant plus compliqué. Moi, je sais que de base, je l'utilise et c'est bien. Là, en plus, ça nous permet quand même, non pas de partir en conjecture pendant 4 heures, parce que c'est ce qui était en train de se faire. J'ai demandé le G parce que j'avais des doutes sur la manière d'apporter. Mais je ne te mets pas en cause, du tout. J'ai l'intention juste d'avoir une sorte de. Pas non plus de rail, mais quelque chose où on pourrait quand même un guide, ouais. Nous appuyer. Mais non, pas un guide. Après, c'était. Là, par exemple, sur le cas du GDD, c'était un GDD sur une information qui avait été déjà donnée, très récente, et qui, dans la discussion qui était très disputée, a été un petit peu perdu en fait. Parce que Catherine a donné son info et vous étiez tellement dans votre réflexion que ça s'est passé à côté. Donc le fait du jet d'idée, ça a juste orienté. Mais c'est vrai que j'ai pas tenu en compte les horaires des uns et des autres qui étaient à devoir. Non, mais il n'y a pas de problème. Après, il n'y a pas de souci. Après, de toute façon, là, le jet d'idée a été demandé. Il est fort probable que je l'aurais fait quasiment sans que ça soit demandé, parce que je voyais bien que ça traînait un peu. Mais je voulais quand même essayer de voir s'il pouvait y avoir un consensus qui se fasse avant que ce soit demandé. Mais tu as demandé jet, donc... J'ai beaucoup regardé tes réactions, Gossette, quand j'ai énuméré quelques trucs pour bien voir si je touchais quelque chose ou pas. Et par exemple, quand je parlais de la Scala et de la Dévore du Diable et aux autres, toi, t'étais... Mais en fait, j'étais en train d'écrire un truc à Catherine. En fait. Donc, t'écoutais, mais j'étais en train justement d'écrire par rapport à ça. Donc je t'écoutais, mais je pouvais pas parce que j'étais là. Non, justement, j'étais en train de dire, je touche quelque chose peut-être. Voilà. Et du coup, c'était. Pareil avec Chaméno et la voix de la quand Catrice t'a fait une sorte d'approbation, j'étais. Non mais pour moi j'interprète, hein, bien sûr. Ah, mais faire attention, le MJ mindbreak toujours. Ouais, bah, il faut de toute façon que si tu veux fais pas. 0-3 au jet de rien du tout. Mais voilà, mis à part ça, dans l'ensemble, ça a été quand même pour vous. C'est une bonne session en tout cas. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré mon sang sur Descend. Descend. J'ai kiffé. Ah, il fallait bien qu'il sorte. Par contre, c'était peut-être un peu bête de notre part d'être venu avec nos vrais prénoms devant le serviteur, quoi. En disant que c'est Catherine, mondialement reconnue, bien sûr. Mais on pensait pas du tout, tu vois, qu'il allait nous flinguer, en fait. Mais oui, mais en fait, sur lui, c'était pas non plus... Enfin, quand on est y allé, on était pas en mode... Ouais, voilà. On était juste, il a une voiture blanche, on va aller voir, tu sais, mais c'était une voiture blanche sur les 10 autres qu'on avait vus avant, quoi. Moi, je pense que ça va nous retomber dessus parce que la prochaine fois. Ça va nous retomber dessus. Il y avait des gens qui criaient, on nous a vus. Enfin, ça va nous retomber dessus. Ça, par contre, je suis d'accord. Jusque-là, j'ai négocié avec le majordome. Je crois qu'il va se taire. Donc, c'est le seul qui a nos noms. En dehors des domestiques hier qui ont peut-être, quoi. Non, mais ils ont leur nom, au moins. C'est aussi bizarre, on a dragué certaines. N'est-ce pas, Peter ? Oui, il a pas eu le temps, là. Ça a été trop rapide. Mais... voilà, donc là, Nelson a fait le ménage. Voilà. C'est le nettoyeur. Nelson, c'est John Wick. Je sais pas. De ceux qui sont présents avec nous sur le live, les viewers, si vous donnez, vous pouvez donner votre... votre ressenti, ce que vous avez pensé de la session, n'hésitez pas, franchement ça fait toujours Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour de vous aussi, hein, de voir comment vous avez vécu la session. Parce qu'après, il y a le vécu des joueurs, mais des gens qui regardent, c'est pas toujours évident aussi de... Ils sont amusés, si c'est un peu long. Voilà. Si bon, j'ai vu que Tibbs avait dit que c'était cool, qu'il avait trouvé ça très cool. Après, je crois que Tibbs est parti déjà, il me semble. Mm. Il ne peut plus rester. Mais voilà, ceux qui sont encore là, n'hésitez pas, donnez votre avis, ce qui vous a plu. Il y a Alf, Siegfried qui est resté, et ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Eh bien, dommage. Voilà. C'est dommage. Parce qu'il y a des viewers qui ne se sont pas prononcés, donc je ne saurais pas parler à leur place. Ah si, Alf nous dit que c'était cool. Bon, voilà, ça, c'est bien. Merci Alf. Vous aussi, votez pour quel personnage va survivre le plus longtemps. Tape le 3615, ta mute. Un poil court. Ah oui, ben... Ah, ben après, voilà, on a... Non, on a démarré en retard, et les gens en retard. Après, ce sont des choses qui arrivent, les aléas de... Ouais. On a terminé un quart d'heure plus tôt parce qu'on est tombé sur un bon moment, en fait, pour payer, en fait. C'est aussi. Ça. Mais je t'invite à être là dans deux semaines pour avoir la suite qui s'annonce être mouvementée, mais ça ils le savent pas encore. Et on a quand même beaucoup avancé, je trouve, comparé aux autres séances. Hein. Oui, oui, il y a une avancée. Voilà. Moi, je suis d'accord. Il y a eu Voilà. C'est pas là. L'entonnoir, on a peut-être fait une séance plus courte, mais. Tu vois, c'est l'entonnoir. Ouais, juste pour ajouter, c'est pas toutes les séances où il y a autant d'action que là, il y en a eu. Les coups de flingue, ça tire l'arigot. Là, ça vraiment, tourne. C'était. Il n'y en a pas tout le temps. Hein. Ouais, c'était le moment là. Enfin, on n'a eu jamais autant de jets de combat. Mais follow si jamais t'as pas follow encore. Et puis. Mais non, sinon, Alf, ça fait quelques temps qu'il est là. Ça fait quelques temps qu'il est là. Ah, je sais pas. Donc, c'est un Michael Bay dans 15 jours, exactement. Ah, il y aurait la course poursuite, mais il faut qu'on retrouve une autre RL. Voilà. Mais écoute, c'est cool si t'es là dans deux semaines. Eh bien, tu verras une super session mouvementée, normalement. Du coup, je pense que on va pouvoir s'arrêter là. Vous allez pouvoir aller vous reposer pour ceux qui doivent qui se en reposer, ceux qui en ont besoin. Hein, et j'espère que tout se passe bien pour toi de ton côté, Grenadine. Oui. Ouais. Bon, ça va. Bon, bon courage en tout cas hein, pour. Merci beaucoup. Pour les jours à venir. Des semaines. Hein. Ou alors les semaines à venir, voilà. On se tâche 3-6 de trucs. Toute ta vie en fait. Hein. Mais non, c'est-à-dire que là, j'ai des dossiers. Là, j'ai 3 dossiers à rendre ce mois-ci. J'ai un dossier en juin, un dossier en juillet. Et j'ai les partiels qui commencent à la fin de ce mois-ci. Donc je vais avoir tout à fait en même temps. Voilà. C'est pour ça que. Je ne serai pas là dans deux semaines, quoi. Si, mais c'est juste que ça me demande beaucoup de taf, quoi. Pour être à l'heure, pour être à jour comme aujourd'hui. Voilà. Ouais, y a pas de soucis, de toute façon. On s'adapte, on fait, moi je sais pas ce que c'est les partiels parce que j'ai jamais été jusque là, mais je comprends tout à fait. Les partiels c'est des moitiés, voilà. Ouais. T'as pas été à la moitié, c'est pas grave. C'est comme le bac. On est à août, on reste. En tout cas, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée aux viewers. Merci d'être venu, merci à toi, Alf, merci à Tibbs, à Swabalaf, qui c'est, à, il y en a eu d'autres, il y a Tipo 3000, Gassard pour le sub, nous avons eu René aussi qui est venu, René Pinson. Il y en a eu d'autres. Tupac Lupus aussi qui est passé. Ouais, merci à vous. Et qui a follow. Merci à vous. Cameo aussi qui est passé faire un coucou. Je pense que j'ai. Morgane qui a fait son petit coucou du soir. En tout cas, merci à tous. Merci à vous. Et puis, à dans deux semaines pour la suite. De notre et la fin. Campagne. Non, la campagne. Non. Non, pas la fin. Oups. Mais la suite de la campagne de Terra sur Long Express. Et je vous souhaite à tous. Une bonne soirée. Ciao, ciao.